Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi, c'est Hugo, je suis avec Maxime. Salut. Et je suis aussi avec Exerve. Hello. Bonjour messieurs. Alors, avant de commencer, on va d'abord souhaiter la bonne année. Je crois que c'est la tradition, quand un truc sort au début janvier, il faut souhaiter la bonne année. Jusqu'à la fin janvier, donc il faudra le refaire au prochain épisode. C'est obligatoire. Et du coup, bah oui, bonne année à tout le monde. Je pense que nous, on peut juste se dire qu'on est très content de voir que même entre Noël et le premier de l'an, vous avez été présents pour l'épisode sur Firewatch. Donc nous, ça nous a fait super plaisir. Et bah, on espère que celui-là, aujourd'hui, sur The Last of Us, attention, je lâche la bombe. Morceau. Ouais, gros morceau. On a beaucoup de choses à vous raconter. Donc merci à tous et puis bah, bonne émission. Exactement. Alors juste avant que Maxime nous lance la petite musique et commencer l'épisode, on va croire que j'ai des platines dans un coin et que je lance vraiment la musique. On va faire croire ça aux gens que tu alors n'es pas sur des cubes en mousse devant lui. On va juste vous rappeler que vous pouvez donc vous abonner à Fin du Game sur plus ou moins toutes les plateformes, Spotify, iTunes, les différentes applis sur Android, ça va être Pocket Cast. Ils ont changé l'affichage de notre mini-site là sur Pipa, et du coup maintenant il y a vraiment des boutons beaucoup plus simples pour s'abonner, donc en plus maintenant on a enfin un décalage très court entre Spotify et iTunes. Une heure et demie après, normalement, c'est bon, vous les avez. Et il n'y a plus, alors vous avez peut-être remarqué aussi depuis le troisième, il n'y a plus sur SoundCloud, parce que la version gratuite permet juste d'uploader 3 heures. Voilà, on paye. Et on déjà a dépassé déjà, c'est déjà voilà. Fait. Puis on paiera déjà pour Pipa, qui nous permet de mettre ça sur Spotify et tout. Donc voilà, pour les 3 personnes qui tenaient peut-être vraiment à SoundCloud, on est désolé. En tout cas, on a fait le nécessaire pour qu'on soit partout ailleurs, donc normalement, vous pouvez assez facilement, avec une seule appli ou même juste le flux RSS, nous suivre. Voilà, exactement. Donc abonnez-vous, mettez les étoiles, c'est important, malheureusement, sur ces plateformes, c'est ça qui compte, c'est ça qui fait remonter les podcasts. Donc voilà, on compte sur vous, et puis on se lance directement dans The Last of Us, fin du game, c'est parti. Alors, vous pouvez vous le dire, on n'a pas peur parce qu'on s'attaque quand même à un gros morceau. The Last of Us, aujourd'hui, c'est un jeu qui a une place assez particulière dans le paysage vidéoludique. C'est un jeu qui compte. Est-ce qu'on peut dire que c'est un classique ? C'est un monument, vraiment, voilà. Du jeu vidéo. Clairement, il y a eu un avant et un après. Hein. Je pense que ça va même être un des sujets qu'on va aborder tout au long de l'émission. Et bah, ça a tout changé, en fait. Quand c'est arrivé, pour moi, en tout cas, ça a changé énormément de choses dans la vision qu'on pouvait avoir des jeux grand public. Et ce qu'on va faire, c'est essayer du coup de répondre un peu à ces questions-là. L'idée, c'est pas de vous dire si The Last of Us c'est bien ou c'est mal, parce qu'on serait déjà un petit peu en retard pour le faire. Et puis l'idée, c'est vraiment de comprendre son statut, quelle est sa place aujourd'hui, et qu'est-ce que Naughty Dog a pu faire à travers ce jeu pour prendre la place qu'ils ont aujourd'hui, et qui fait que The Last of Us 2, c'est un des jeux probablement les plus attendus. Je vois peut-être Cyberpunk 2077 à mettre côte à côte, mais c'est tout. Ouais, non, c'est ça. Oh. Éventuellement, le remake de FF7 pour les trois du fond qui croient que ça va être bien. Mais sinon, c'est vrai que ça existe. À part ça, Star Citizen, non, mais ça va être voilà un des plus gros trucs de ces dernières années. Ça va arriver à la fin de la génération de la PlayStation 4, tout comme The Last of Us était arrivé à la fin de la génération de PlayStation 3. Et du peu qu'on en a vu des images de gameplay, déjà techniquement, The Last of Us 2, c'est la claque ultime. Et à l'époque, le premier The Last of Us, c'était un peu le cas. Ce qui est rigolo, c'est que Hugo et moi, on l'a fait à l'époque. Ouais. Maxime l'a fait il y a 5 heures. Enfin, j'exagère, mais tu l'as fait il y a quelques semaines, ouais, finalement. Tu l'avais pas découvert ouais, à l'époque. Je l'ai fini fin décembre, donc il y a pas longtemps. Ouais. Voilà, tu l'avais fait pendant les fêtes de fin d'année. Donc ça va être rigolo qu'on va pouvoir avoir un point de vue assez différent. Parce que forcément, lui, Max, il a joué à des jeux qui se sont beaucoup inspirés. Et là, du coup, tu as joué, on va dire, à l'original. The original The Last of Us. Bah, la même année, j'ai fait God of War et après j'ai fait le papa The Last of Us, mais bon, on en reparlera plus en détail après. On va en reparler, ouais. Alors, juste avant, comme d'habitude, on va essayer de revoir un petit peu la genèse du projet. Naughty Dog, c'est un studio qui a depuis très longtemps, est associé à Sony. Ils avaient fait la trilogie Crash Bandicoot sur PS1. Sur PlayStation 2, c'était Jak and Daxter. Évidemment, ils avaient fait des spin-offs avec des Crash Team Racing. Ils ont même fait un jeu de course, je crois, avec Jak and Daxter. Je crois qu'il y avait un jeu de course. Ouais, il y a eu pas mal de trucs. De toute façon, t'avais eu un Jak 2, il était assez particulier. T'avais pas un Jak qui s'appelait Gladiators, où je confonds avec Ratchet? C'est Ratchet. À l'époque, je confondais un peu. Mais c'est vrai que c'est un des plus anciens studios first party de Sony, parce qu'ils étaient là dès le début de la PlayStation, donc dès la milieu des années 90, et ils ont suivi l'évolution, et ils sont passés des jeux de mascotte mignonne à, boum, début de la PlayStation 3, Uncharted. Ouais, ils ont changé un petit peu leur de direction, et du coup, la trilogie de la PlayStation 3, c'était Uncharted, avec le 1, le 2, le 3, mais Après, le 2, en fait, qui a été quand même... qui a assez explosé, qui a mis beaucoup de monde d'accord à l'époque où il est sorti, c'était une grosse claque, déjà graphique, technique, parce qu'ils avaient su vraiment exploiter les capacités de la PlayStation 3 et faire quelque chose de très réussi. En termes d'écriture, de rythme aussi, ça avait quand même mis une claque à pas mal de monde. Et après le succès de ce jeu, en fait, le studio s'est séparé en deux. Il y a une partie de l'équipe qui a suivi donc Amy Henning, qui était co-director sur Uncharted 2, qui sont allés bosser sur Uncharted 3. Et puis, il y a une autre partie du studio qui a été l'idée par... Dirigée par Bruce Strolley, qui était lui co-directeur aussi sur Uncharted 2 et qui est passé sur The Last of Us avec Neil Druckmann, qu'on connaît très bien aujourd'hui, mais qui à l'époque n'était pas si identifié que ça. Il avait commencé à bosser, je crois, sur... il est depuis longtemps chez Naughty Dog, lui aussi. Il a commencé stagiaire. C'est un peu le mec qui a fait l'ascension de ouf. Il est commencé stagiaire programmeur pour finir aujourd'hui. Il livrait des cafés et puis finalement... Vice-président, quoi. Ouais, ça faisait à peine quelques années, je crois, quand il y avait le développement du premier Uncharted. Il était sur le premier Uncharted, il me semble. Hein. Il est au crédit du premier. Ouais, et sur le script, en fait, il a commencé, donc, comme tu disais, en interne programmeur. Il était déjà un petit peu sur le script. Il a un peu assisté Amy Henning, là, qui était dessus. Et en fait, ouais, Bruce Strelley et Neil Druckmann, c'est vraiment deux mecs qui ont vraiment monté les échelons très rapidement, en fait, chez Uncharted. Même si Bruce, il était dans l'industrie depuis un petit peu plus longtemps. Ouais. Tu vois que, ouais, Neil Druckmann, bah, sur le premier, il était un petit peu au script, un petit peu. Puis le 2, il était. Alors, je sais plus exactement ce qu'il faisait sur le 2, mais il est impliqué dans l'écriture, il est dans le script et le scénario, et dès le jeu des auteurs principaux, ouais. Et avec The Last of Us, bah là ça a été vraiment la prise de pouvoir, on peut dire, hein, parce qu'il avait là du coup il est devenu réalisateur en fait, ils se sont partagé le jeu à deux, donc avec Bruce, c'est à dire que Bruce c'est globalement occupé de la partie gameplay, et vous me voyez pas, mais je mets des guillemets en le faisant. Ouais, les titres c'était Game Director pour Bruce. Lui aussi il met des guillemets, je l'ai vu. Game Director pour Bruce et Creative Director pour Neil Druckmann. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est les termes qui veulent tout et rien dire. Hein. Ouais, dans l'industrie où ils travaillent 90 heures par jour. Généralement, Creative Director c'est un peu la personne qui chapote un petit peu tout, mais c'est vrai qu'à côté là t'avais Game Director pour Bruce, mais l'image associée à Neil Druckmann, c'est beaucoup le côté script, histoire, et c'est d'ailleurs lui qui dirigeait les acteurs, on en parlera aussi, mais c'est vrai qu'il avait aussi son regard probablement sur le gameplay, parce qu'il y avait vraiment ce côté on a des mécaniques et comment est-ce qu'on va les utiliser pour raconter quelque chose. Et t'avais aussi Bruce qui lui en plus avait un petit passé, il était art director sur le premier Uncharted, mais il avait aussi quelques connaissances et il était game director, donc d'ailleurs je crois que c'est Neil Druckmann qui raconte ou c'est Bruce qui disent qu'ils fonctionnent un peu comme un vieux couple, c'est-à-dire qu'ils ont parfois des idées très très différentes, mais ensemble ils arrivent à justement se mettre d'accord et à donner une direction, un peu comme moi. C'est ce que j'allais dire, c'est un peu comme vous deux, hein, parce que depuis le peu de temps que je vous connais, vous fonctionnez vraiment comme ça. Ils ont un système cool qu'il faudra peut-être implémenter. Là, c'est la petite anecdote du bouquin Blood, Sweat and Pixels, où ils disaient que quand ils avaient un désaccord, en fait ils donnaient une note d'importance selon eux. Donc s'il y avait un truc sur lequel ils n'étaient pas d'accord, par exemple Neil il disait je mets 8 sur 10 parce que je trouve que c'est très important pour moi, et si l'autre il met 4, il dit c'est Neil Druckmann qui impose sa vision. Mais s'ils mettent tous les deux 8, 9, 10, et là c'est ok, là, on va, c'est le clash, on va discuter, on va parler et on va se mettre d'accord. C'est pas mal, je trouve que on peut peut-être reprendre ça. Ouais. on va voir, à 3 ça va être vraiment génial pour fin du game. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a beaucoup les grosses inspirations du jeu. La principale, c'est un documentaire de la BBC, il le raconte, c'est un truc donc sur les espèces de champignons qui prennent possession des fourmis et qui font que les fourmis elles ne font plus ce qu'elles doivent faire en tant que fourmis. Ça vient des drones, hein, dans le sens un peu, tu vois, science-fiction du terme, c'est-à-dire qu'elles sont contrôlées par leurs parasites. Et du coup, ils ont pris ce concept-là et puis ils l'ont étendu aux humains, et c'est ce qu'a donné donc les infectés dans le jeu, c'est là que c'est parti. Et puis Neil Druckmann, il a fait transpirer diverses influences, il en cite trois principales. C'est d'abord, je sais pas si vous connaissez Sin City, le policier dedans, John Artigan, qui est joué par Bruce Willis dans le film. Donc c'est ce côté, c'est ce vieux mec un peu bourru qui protège une fille, donc Nancy Callaghan. Ça, c'est la première influence. La deuxième, c'est La Nuit des Morts-Vivants de Romero. Et la troisième, c'est Ico, donc le jeu de Fumito Ueda, qui est sorti en 2001, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Et qui était vraiment un jeu qui a marqué beaucoup de monde, et dans l'industrie c'est un jeu qui revient souvent comme influence, par exemple même le créateur de Dark Souls, c'est un des jeux qui l'a le plus marqué, et c'est ce qui lui a donné envie de faire des jeux vidéo, carrément. Donc c'est le, tu vois, c'est l'origin story de Miyazaki, c'est Ico. Et en même temps, c'est normal, c'est un jeu où t'avais une relation avec un personnage qui n'existe pas, qu'on n'avait encore jamais eu dans le jeu vidéo avant ça. Voilà. Et donc, c'est un peu ce mix de ces trois influences, finalement, qui a donné la direction créative sur The Last of Us. Ouais, à la base, il était... Donc, c'est quelque chose, parce que l'histoire, c'est que quand il était étudiant, en fait, il y avait une histoire comme quoi il pouvait pitcher une idée de jeu à un mec qui connaissait Romero. Et du coup, Neil Druckmann, il avait cette idée, en fait, où t'incarnais un mec, ouais, bah, comme tu disais, à la Sin City, qui a des problèmes cardiaques, dans un monde où il y a des zombies, et il doit protéger une fille. Et en fait, il y avait des phases de gameplay où il avait des problèmes cardiaques, et en fait, là, t'incarnais la fille qui devait protéger le mec. Exactement. Et du coup, dès le début, avait un petit peu cette idée de bah, de deux personnes. Ils l'ont pas conservé ça du coup finalement, le côté cardiaque, tu vois. Il a fallu attendre Hyper Light Drifter. Ouais. Pour en entendre pour parler de, ouais, de problèmes. Peut-être de que l'influence aurait été peut-être trop évidente, je sais pas, ou ils avaient pas envie de partir là-dedans alors qu'ils avaient d'autres choses. Je pense qu'ils voulaient pas complexifier le propos et rester sur un truc assez mainstream, parce que ça reste quand même un jeu qui est très grand public et c'est vraiment important, je pense, pour de rappeler ça régulièrement pour la compréhension des gens, parce que c'est pas pour la blague, moi sur le document j'avais mis que c'était un petit jeu indé, tu vois, développé avec 3 francs 6 sous, mais non, justement c'est tout l'inverse, c'est toute la force financière de Sony et de Naughty Dog, la force technique derrière qui a créé ce jeu là donc c'est pas rien. C'est un vrai blockbuster, et à l'époque ça a été un carton vraiment critique et commercial. Je crois qu'aujourd'hui j'avais lu qu'il s'est écoulé jusqu'à 17 millions d'exemplaires, ce qui est quand même pas dégueulasse pour un triple A. Ça commence à être des gros chiffres. Alors bien sûr c'est pas GTA 5, mais pour une exclue c'est vraiment énorme. On va invoquer Oscar Le Maire, il me semble pas que ça soit l'exclue la plus vendue, mais par contre ça fait partie des très gros succès de la PlayStation. Ça a été un des titres qui a été remasterisé instantanément la seconde où la PlayStation 4 est sortie, avec du coup le DLC qui a été inclus. Et c'est vrai que bon, bah, le jeu, vu qu'il est sorti à la toute fin de la génération précédente, la différence technique aujourd'hui, enfin en tout cas moi j'ai relancé la version remaster, elle est pas violente non plus, quoi. C'est sûr que maintenant qu'on a vu God of War et Red Dead 2, tu dis ah oui, ok, mais au tout début de la Play 4, bon, c'était pareil. C'était vraiment au début de la Play 4, clairement, c'était pas choquant du tout. De toute façon, sachant qu'à la fin de la PlayStation 3, c'était époustouflant, au début de la Play 4, c'était pas clairement, c'était pas choquant. Puis la Sony, ça a été un tel succès que après ça, ils ont donné carte blanche à Druckmann et à Astralé pour reprendre le bébé Uncharted 4, qui était vraiment était en difficulté, où t'avais Amy Hennig qui faisait donc partie de la team qui avait bossé sur Uncharted 3 et qui a bossé sur le 4 aussi pendant que The Last of Us se faisait. Le projet marchait pas très bien. Druckmann et Astralé, qui étaient du coup devenus un peu des stars après le gros succès de The Last of Us, ont pu récupérer le projet. Ils ont même viré Amy Hennig. Hein. Naughty Dog a viré Amy Hennig. On n'a pas tous les détails cette histoire. Elle a été écartée du projet. Voilà, et la pauvre a eu la meilleure idée du monde en disant « Hey, je vais aller travailler pour Electronic Arts !» Ouais, on sait ce que c'est devenu. Parce que du coup, Amy Hennig, pour la rappeler dans le contexte, hein, c'est elle qui avait travaillé sur Star Wars 13-13 et qui du coup s'est fait évincer par Electronic Arts, qui a complètement shut down le projet. Et elle, maintenant, bon, bah, elle est un peu... Alors, elle a eu une récompense pour l'ensemble de sa carrière, ce qui est quand même pas mal. Ce qui est jamais un bon signe pour la suite. Mais ça veut dire que du coup, ta carrière, elle est pas finie, tu vois, normalement, quand tu reçois ce genre de truc. Mais bon, on va lui souhaiter de bonnes choses, parce qu'elle a quand même travaillé sur des jeux importants. Ah bah, la série Uncharted, hein, ouais, clairement, c'est elle qui dirige tout ça, quoi. Du coup, The Last of Us, comme d'habitude, on va résumer un petit peu l'histoire, puisque vous le savez, dans Fin du Game, on parle des jeux du début à la fin. C'est peut-être un peu trop tard pour prévenir maintenant, mais voilà, vous le savez, on spoil à fond. Donc, The Last of Us qui commence par une intro, déjà, qui est assez remarquable, puisque moi, je me souviens, quand j'ai lancé le jeu, je pensais directement commencer à jouer avec Joël, mais c'est pas le cas. On incarne, en fait, sa fille, et Sarah, exactement, et c'est pendant... le moment, en fait, où tout a basculé. Outbreak. Voilà, exactement, où l'apocalypse va un peu tomber, où l'épidémie va commencer vraiment à prendre trop d'ampleur. Et donc, on joue cette fille, et finalement, en un quart d'heure, on sent tout le chaos, tout le soulèvement un peu de la population, ça devient complètement le bordel, puisqu'il y a les infectés qui commencent à sortir un peu de tous les côtés, et ça se termine par la mort de Sarah, qui meurt dans les bras de son père, puisque, en fait, il veut sortir de la ville, et il la porte, et finalement, il y a un militaire qui, il demande à son commandement, est-ce que je les laisse passer ou pas, et on comprend qu'on leur dit, bah non, et même il dit, ouais, il y a une petite fille, et on comprend qu'il leur dit quand même, bah, vas-y, shoot-les. Et donc il tire dessus, et finalement Sarah meurt, pas Joël, parce qu'il est sauvé par son frère Tommy, qui aura un petit rôle un peu après, et bim, on se retrouve 20 ans plus tard, là Joël il vit un petit peu, il survit, on va dire, et il bosse notamment avec Tess, Et on comprend petit à petit en fait que ces deux, c'est des trafiquants. En fait, leur job en fait, c'est d'une, ils font des contrebandiers. Voilà, hein, c'est des Han Solo de l'apocalypse. Et ils transportent des choses et ils font à peu près n'importe quelle mission pour. Alors, il y a plus d'argent forcément. Ils ont des tickets de rationnement. Ouais, voilà, c'est leur unité monétaire qui leur permet de manger parce que forcément, voilà, c'est leur loot box à eux. Parce que forcément, il y a plus de bouffe et l'histoire commence. Ils doivent en fait retrouver une cargaison d'armes qu'un type leur avait promis. Et en fait, le gars, ils vont aller le poursuivre pour lui réclamer. Alors au début, on a l'impression qu'ils sont un peu dans une situation de domination où ils vont se faire tuer par le type. En fait, c'est l'inverse. C'est eux qui menacent et qui font chanter le gars en lui disant, je sais plus comment il s'appelle, Robert. Et donne-nous cette cargaison d'armes. Et on voit directement le personnage de Joël qui commence à être mis en place à base de, tu sais, pendant que Tess est en train de lui parler, lui, tu vois, il est en train de lui étendre le bras tout discrétos du genre, tiens, je vais te briser le coude dans 30 secondes. Et dès que lui, il met un peu de temps à répondre, boum, il lui brise le coude mais sans aucune pitié et on sent déjà que il se passe quelque chose et c'est la première fois qu'on entend parler des Fireflies, une espèce de force de rébellion qui essaye de lutter un peu parce qu'on imagine qu'il reste un pseudo gouvernement quelque part. Oui, c'est ça, il y a une espèce de il y a une espèce de gouvernement qui est, il y a un couvre-feu à partir d'une telle heure et c'est fini, il y a des militaires, il y a des forces armées en tout cas qui circulent dans les villes. Les villes sont toutes barricadées, il y a des passages, il y a des checkpoints en fait entre les différents quartiers. D'ailleurs au début pour nous introduire à ça, ils nous font passer par un checkpoint, il y a une espèce d'explosion et c'est à ce moment-là qu'on doit un petit peu qu'on doit prendre la tendance, Pour info, au début du jeu, si tu restes un petit peu trop longtemps à côté de la milice, t'as une scène où t'as des gens qui sont infectés, qui sont à battre dans la rue, et si tu restes un peu trop longtemps à côté, le mec te tue. C'est vrai. Il te fait comprendre. Je crois, il te met au sol quand même et tout. Enfin, il te fait comprendre que. Mais toi, en tant que joueur, tu comprends que la milice, elle est pas là pour rigoler, quoi. Pas là pour déconner. Et Tess, qui est connu d'ailleurs comme le loup blanc dans tout le quartier, tous les mecs, genre, ah ouais, c'est toi, Tess, excuse-nous. Il y a un mec qui veut pas laisser passer Joël avant. Et elle arrive derrière. Enfin, bref. Ils sont connus. C'est des Kaïra. Voilà, c'est un peu des Kaïra. C'est les Kaïra du coin. Et au final, ils vont retrouver la personne qui apparemment dispose de leurs armes, qui est Marlène. Et Marlène va leur dire, ouais, mais je suis désolé, moi vos armes je les ai payées, donc il va falloir me rendre un service en échange et il va falloir jouer les passeurs puisqu'il va falloir s'occuper de Ellie, donc qui est une jeune demoiselle et dont on sait pas grand chose à ce moment-là, mais il faut l'emmener donc vers un hôpital. Enfin, il faut la sortir de la ville en fait et il faut rejoindre d'autres Fireflies à la sortie de la ville qui devraient l'amener autre part. Et bon, évidemment, ça va pas se passer aussi facilement. Exactement, on va se rendre compte que Ellie, elle est infectée. Mais qu'elle est immunisée, c'est-à-dire qu'elle s'est fait mordre il y a plus de 3 semaines. Trois semaines quand même, énorme. 8 ans internet, en traduction instantanée. Alors que normalement ça prend un ou deux jours. En quelques jours, ça y est, c'est le. Oui, parce que du coup on en a pas parlé. Alors moi je suis toujours sur l'idée que c'est pas tout à fait des zombies pour faire un peu le technico, mais c'est que les gens en fait ils ont cette maladie et du coup ils deviennent contrôlés, infectés et après il y a plusieurs espèces d'infectés et donc forcément l'humanité en fait a été détruite à cause de ça. Parce que là on imagine qu'une grande partie de la population a chopé le virus puisque ça se transmet, en plus c'est airborne, le fameux truc, le pire truc que tout le monde imagine, ça se transmet simplement par la respiration, et donc forcément c'est un peu la galère. Voilà, donc Ellie est infectée et immunisée, et ils choisissent quand même d'essayer de l'emmener là où elle doit aller, parce que Tess se dit, attends, ça se trouve elle est immunisée, ça se trouve ils peuvent faire un vaccin à partir de ça. Et c'est de là va partir finalement, le jeu va commencer vraiment à démarrer, mais ils vont perdre Tess en route, qui se fait mordre, et qui va sacrifier pour les laisser partir, pour qu'ils puissent continuer leur route. Et finalement, toute la route de Joël et Ellie va être un petit peu parsemée de péripéties. Hein, vraiment, c'est une histoire tout à fait classique. Ils vont faire la rencontre de divers personnages. Il y a le mec un peu fou là qui a piégé toute une ville. Là, c'est Sam. Non, pas Sam. Je sais plus comment il s'appelle. Bref, Max. Max. Non, je sais plus. Ouais. Mais il le connaît en fait. C'est un ancien pote de Joël. Ils sont connus, Joël, mais il est un peu taré. Donc lui, Bob ou Rob, Peut-être encore un Bob. Bref. Il y en faut un de toute façon. Et puis après ils vont rencontrer donc Henry et Sam, donc ça c'est un autre adulte et un enfant qui vont être un peu le miroir un petit peu de Joël et Ellie. Et le gosse va lui se faire mordre aussi, donc il va je sais plus comment ça se passe, je crois que quelqu'un le tue, je sais plus qui c'est qui le tue. C'est son frère en fait. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait il attaque Ellie et du coup elle est immunisée mais elle a pas envie de se faire bouffer non plus, on peut la comprendre. Et le frère en fait, Joël veut le tuer, le frère évidemment menace Joël instantanément en disant Tu fais quoi, c'est mon frère. Et bon, on sent qu'il y a un petit moment de flottement où il comprend que non, c'est plus son frère, donc il lui tire dessus et quelques secondes après il retourne l'arme contre lui et il se suicide. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe globalement. Et après, dans l'ordre chronologique, en fait, Joël va se retrouver à être blessé, mais grièvement blessé. Mmh. Il est perforé par une espèce de tige de métal sous le bide. Globalement, j'imagine pas très agréable. Et en fait, il va être un peu en PLS pendant quelques temps. Pendant quelques mois. Pendant quelques mois. C'est le nom du chapitre, la PLS de c'est hiver, la PLS de Joël. Et en fait, à ce moment-là, et là aussi c'était encore une surprise pour moi quand j'ai fait le jeu, eh ben on incarne Ellie dans une petite séquence de chasse d'abord de cerf. On se rend compte que ça y est, elle a pris ses responsabilités, c'est elle qui en fait s'occupe de Joël, elle va lui chercher des médicaments, et elle va tomber sur la route d'un groupe de cannibales qui va... Elle le sait pas au début, hein. Voilà, on le comprend. Au début, elle arrive même plus ou moins à leur faire confiance parce que c'est vrai qu'ils se présentent comme étant relativement sympas. Ils mangent juste des bras et des jambes de gens, c'est tout. Globalement. Ça arrive à des gens bien. Hein. C'est clair. Et au final, elle va se faire enfermer donc, par ces mecs-là. Elle va arriver à s'en sortir jusqu'à une espèce de scène qui est assez marquante où c'est vraiment une espèce de rage en fait. Elle a vraiment envie de s'enfuir de cet endroit et elle va buter le chef un petit peu de ce groupe-là qui s'appelle David, je crois. C'est ça. Simple que c'est ça. Et donc, elle va le massacrer à coups de couteau, et pendant ce temps, en fait, il y a une mise en jeu qui est assez intéressante, donc on joue Ellie, mais on joue aussi Joël qui se réveille, qui a fini sa PLS, et qui va donc essayer de retrouver Ellie, et en fait, on alterne entre les deux jusqu'à ce qu'ils se rejoignent, et que Joël, en fait, l'arrête juste au moment où elle est en train de lui mettre des coups de couteau sur la tronche, ou je sais plus si c'est une hache, enfin bref, je ne sais pas ce qu'elle lui met. C'est une machette. Voilà, j'ai regardé la vidéo hier, c'est une machette. C'est une machette. Ouais, il y avait une machine qui traînait par terre à portée de son bras. Heureusement, c'était l'arme du mec et qui l'a fait tomber, je crois, quand elle l'a poignardé avec son couteau, il me semble. Exactement. Et donc au final, l'hiver se termine et ils arrivent pas loin de l'hôpital, de laboratoire. Alors, c'est à Boston. Ils font la route de Pittsburgh à Boston. Donc en vrai, j'en ai aucune idée parce que je suis jamais allé aux États-Unis. C'est juste que j'ai noté le nom des villes. D'accord. Je sais pas si c'est loin, pas loin. On laissera les cartographes nous donner les indications. Et ils arrivent donc à ce fameux laboratoire. Il y a une petite séquence. Il y a une séquence. En fait, à ce moment-là, c'est la fin du jeu. Ellie a pris confiance en elle. Elle a pris beaucoup d'importance dans la vie de Joël. Ils se sont beaucoup rapprochés. Et finalement, ils vont arriver à ce laboratoire. Mais Joël va comprendre que pour faire le vaccin, à la base, grâce à l'immunité de... le totem d'immunité de... je suis désolé, je suis obligé d'y penser grâce à l'immunité d'Ellie en fait elle va devoir mourir pendant l'opération parce que l'infection en fait elle va jusqu'au cerveau et du coup s'ils veulent pouvoir extraire tout ce qu'il faut ils vont devoir la tuer et là Joël fait un choix et on va en discuter un petit peu après un choix particulier, il choisit de ne pas la laisser mourir et il bute absolument tout le monde dans le laboratoire, il devient un peu berserk et il récupère Ellie et en fait à son réveil, Ellie, il lui explique que finalement, en fait, il y a plein d'autres gens comme elle. Il lui ment. Il lui dit, il y a plein d'autres gens comme toi, de toute façon. Donc voilà, ils t'ont libéré. Ils t'ont libéré. Ils t'ont fait un bisou, elle a des bonbons. Et je te ramène chez mon frangin qu'on a croisé à un moment dans le jeu. Donc voilà, ça se termine là-dessus. Ça se termine sur un choix. Joël qui fait le choix de privilégier Ellie à l'humanité et surtout de mentir à Ellie puisqu'il lui regarde à un moment en fait elle lui demande t'es sûr tu me jures que ils avaient pas besoin de moi et lui dit ouais t'inquiète t'inquiète meuf et là pouf fondu au noir générique des bisous. Il y a quelques éléments sinon j'en profite puisqu'on y est de cette scène alors pas du coup la scène toute finale mais au moment où ils arrivent aux Fireflies en fait qu'Ellie est dans les pommes et qu'elle a se repéré il y a plusieurs éléments de cette scène qui sont un peu un miroir par rapport à la scène du début. Il y a le moment, comme tu disais, t'as Sarah, donc la fille de Joël, qui se fait abattre par un soldat, et t'as Joël qui dit genre, elle respire encore, il a encore un espoir, et puis elle finit par mourir. Et là, t'as le moment où. Il fait un massage cardiaque. C'est ça, et là, avec Ellie, il sort de l'eau, enfin, elle était dans l'eau, elle s'est un peu. Enfin, elle a dû boire la tasse à un moment, et elle est encore en vie, tu vois, elle dit. Enfin, non, je crois qu'elle respire plus, justement, sur le coup, il dit, elle respire plus, et là, t'as des Fireflies qui sont en train de le mettre en joue, donc t'as vraiment ce côté un peu le même. Ça renvoie complètement, et ce qui te fait comprendre, que cette fois il va pas la perdre. Ouais. Et t'as aussi le moment donc quand t'as Sarah en fait dans tout le prologue à la fin tu n'incarnes plus Sarah parce qu'il y a un accident de voiture elle se fait mal à jambe et tu joues Joël qui la tient dans ses bras et qui court à travers la ville et t'as aussi Ellie quand tu la sors de l'hôpital tu la tiens dans tes bras et tu t'enfuis de l'hôpital en la tenant dans tes bras. Exactement. Donc c'est vrai que le parallèle entre les deux est assez évident et ça c'était déjà vraiment une des réussites du jeu, c'est de se construire comme ça et de construire cette relation, de montrer vraiment... Enfin, le centre du jeu, c'est vraiment la relation entre Joël et Ellie. Et en fait, Neil Druckmann, à travers son script, il nous donne vraiment tous les éléments pour construire l'évolution de Joël et de Ellie et de nous faire comprendre la décision finale. Parce que moi, j'avais lu pas mal de choses, en fait, à l'époque où The Last of Us était sorti, où il y a des gens qui se plaignaient de ne pas avoir le choix. De dire, bah, pourquoi on n'a pas eu le choix à la fin de décider si on laissait sauver... Oui, si on laissait mourir ou pas Ellie. Bah, c'est parce que c'est un personnage qu'on incarne, tu vois. C'est pas The Witcher, t'es pas, un jeu avec des choix multiples, en fait. C'est forcément la construction de Joël ne pouvait pas arriver à une autre chose, conclusion. Exactement, exactement. C'est-à-dire que si on te laissait le choix en tant que joueur de dire, bah attends, finalement, je vais laisser Ellie partir pour sauver l'humanité, en fait, le personnage de Joël ne serait pas cohérent du tout. Parce que tout ce qu'ils ont fait du début, vraiment du tout début, ces 20 années où il a passé un peu en mode survie à jouer un peu les gangsters, et tout ce qui se passe pendant le jeu, tout ça le mène en fait à faire ce choix. Et ce choix, en fait, pour lui, il est évident. Oui, c'est l'occasion de citer Druckmann qui disait que il fait tout pour sauver en fait Ellie. Au début, il est prêt à mettre sa vie en danger pour sauver Ellie. Il est prêt à mettre d'autres personnes en danger. Donc il y a eu son frère, il y a des gens qui l'impliquent en fait dans ce voyage, qui sont donc en danger pour sauver Ellie. Ensuite, il met l'humanité en danger pour sauver Ellie en la sauvant. Et à la fin, comble du truc, il met sa relation avec Ellie en danger quand il lui ment. Quand tu sens que c'est important pour Ellie de savoir si c'est vrai ou pas, il lui ment quand même juste pour la sauver, parce qu'il a peur sûrement qu'elle reparte et qu'elle se sacrifie pour faire un vaccin, quoi. Et je pense que une des plus grandes réussites du jeu, encore une fois, c'est de construire tous ces trucs-là. C'est-à-dire que le jeu, il est découpé en 4 chapitres, en fait, en 4 gros chapitres qui correspondent à des saisons. Donc ça commence, je sais plus, je crois que c'est été, automne, hiver, printemps. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, chacune de ces saisons va correspondre vraiment à un arc narratif entre les personnages. C'est-à-dire que le premier, c'est Joël qui ne veut pas s'occuper d'Ellie. Parce que pour lui, bah, c'est un fardeau, quoi. Il doit se trimballer une gamine d'un endroit à l'autre. Il n'a pas que ça à foutre. Il doit récupérer des guns. Ouais, c'est une marchandise comme une autre, en fait. Exactement. Ouais. Voilà. Donc il joue vraiment le passeur, mais voilà, il ne s'attache pas du tout. Et puis, le deuxième chapitre, là, ils vont perdre Tess, finalement. La fin du premier chapitre, c'est la perte de Tess. Et là, ils vont apprendre à collaborer un petit peu entre Joël et Ellie. D'ailleurs, au début, Joël ne laisse pas Ellie prendre des flingues. Et pendant cette deuxième partie, il va lui laisser apprendre à se défendre. Il y a même une scène où il lui confie un espèce de snipe et elle va canarder tout le monde pendant que Joël fait le ménage en bas. Et puis après, jusqu'au moment, en fait, il y a le troisième chapitre dans l'hiver où là, on joue Ellie. Donc elle a vraiment appris assez, en fait, pour se débrouiller toute seule. Et c'est elle qui va le sauver cette fois-ci, parce que c'est quand même elle qui prend soin de lui. Et le dernier chapitre, bah, c'est ce qui fait, en fait, le pivot. Joël, il peut pas la laisser partir parce qu'elle a trop fait pour lui. C'est devenu, elle a pris sa place de fille, quoi, tout simplement. Pas vraiment. C'est pas nécessairement sa fille. Surtout qu'ils ont la discussion en disant, je ne suis pas ta fille, je ne suis pas ton père, machin. Mais il y a tout le passage où, quand il rencontre Tommy, donc avant d'arriver dans la ville où il y a, avant d'arriver à Boston, en fait, près d'une énorme rivière où il y avait un barrage hydroélectrique, son frère, lui, qui était avant chez les Fireflies, qui a été pendant très longtemps son ami, on va dire son compagnon de survie, il s'est barré, on ne sait pas exactement dans quelles conditions, mais il s'est barré il y a des années, il a refait sa vie avec une autre nana, et il a recréé une espèce de petite communauté qui essaye de survivre, qui essaye de relancer, on fait la séquence où ils relancent la turbine qui fabrique de l'électricité dans leur espèce de petite communauté de hippies, là, et je ne sais plus pourquoi je vous racontais ça. Oui, parce qu'en fait, justement, il y a la discussion... Il lui donne la photo de sa fait, fille. En fait, Joël essaye de se débarrasser d'Ellie en disant, genre, elle est immunisée, voilà le cadeau, voilà la patate chaude, hop, merci Tommy, amène-la là-bas, des bisous. Et du coup, évidemment, la femme de Tommy n'est pas d'accord, Tommy, il se rend compte que quand même, il y a une espèce de truc, et surtout, Ellie explique à Joël qu'elle a jamais eu quelqu'un comme Joël dans sa vie, que c'est la première fois que quelqu'un s'occupe d'elle pour de vrai, puisque tout le monde qu'elle connaît est mort. Et donc, finalement, Joël, à la dernière minute, décide de partir avec Ellie et de renvoyer Tommy auprès de sa femme, et là, en fait, c'est vraiment le moment shift où il se dit, bon, j'ai besoin d'elle, sans elle, j'existe pas, tout simplement. Ouais, on parlait de l'indépendance d'Eli qui s'affirme, et ce qui est vachement réussi dans le jeu, c'est que bah, c'est pas seulement dans les cutscenes que dans les cinématiques, c'est vraiment en jeu où on le ressent, où au début, bah, donc elle a pas le droit d'avoir d'armes, elle peut t'aider un peu en jetant des briques, ou... Alors je suis pas sûr que ce soit au tout début du jeu, mais elle poignarde parfois aussi des mecs, mais je pense pas qu'il y ait ça dès le début, en tout cas... Et tu la contrôles pas, hein. C'est ouais, vrai ouais, qu'on non, on aura l'occasion de refaire d'autres parler avec God of War, mais t'as pas un bouton qui oui, est attribué c'est ça, à Eli. C'est elle qui c'est elle fait sa vie. Ouais. Et suite à le moment, donc juste avant la scène du snipe, où elle sauve Joël en prenant un flingue et en tirant sur quelqu'un, et lui il dit ok bah c'est bon, tu peux avoir cette arme, et du coup en jeu elle peut tirer maintenant sur des mecs, et ensuite à toute la scène où elle snipe bon, 40 mecs depuis un toit, jusqu'effectivement au moment où tu la contrôles carrément, et on sent que le gameplay aussi, lui aussi, il devient de plus en plus important, affirmé en fait à mesure que Ellie elle s'affirme. Et c'est complètement transparent, parce que bon, sur le petit fiche, on avait dit qu'on parlerait un petit peu du gameplay au départ, on a un peu ouais, zappé la structure, mais c'est pas grave, et le passage de gameplay de Joël à Ellie est transparent, parce qu'en fait ils ont les mêmes capacités, ils ont la même gestion d'inventaire, ils ont les mêmes actions qui sont possibles, donc c'est vraiment la même personne. C'est pas uniquement pour simplifier les contrôles, parce que évidemment on se dit que pour passer d'un personnage à un autre pour les joueurs en plein milieu d'une aventure, c'est toujours un peu compliqué, mais là en fait c'est totalement justifié parce qu'ils ont acquis en fait les mêmes compétences, ils sont arrivés on va dire au même niveau de survivaliste, tu vois, ils sont au niveau 9 tous les deux là, et ils sont au top niveau, donc ils peuvent tous les deux avoir les mêmes actions, c'est tout à fait cohérent. Elle a pas la même force, mais ouais, mais elle compense parce que justement, voilà, elle va se jeter sur le dos des mecs, elle va les poignarder 10 fois au lieu de leur mettre elle un coup. Elle a mais un vrai couteau qui ne se brise pas, et ce qui lui permet en fait de se jeter sur les ennemis et de les poignarder. Alors qu'avec Joël, tu peux les maîtriser physiquement, les tenir en joue et les étrangler, tu vois. Alors que elle, non, ce serait mort. Du coup, ils lui ont filé un petit couteau, quoi. Et bah, du coup, on peut revenir effectivement un petit peu sur le gameplay parce que The Last of Us, du coup, c'est un TPS très classique finalement dans la forme. C'est un jeu, pour moi, au moment où j'avais joué, je me disais qu'il faisait un peu la synthèse de cette génération, c'est-à-dire que la génération PlayStation 3 360, pour moi c'est Gears of War. Ouais, c'est ça, elle a commencé avec Gears of War, le TPS à la couverture, quoi. Ouais. Et vraiment, bah, The Last of Us s'approprie ça. Il le complexifie pas énormément, c'est-à-dire que c'est assez léger finalement, c'est pas un jeu qui est très très très complexe. Il y a des petits éléments de craft, on se met à couvert, on tire, il y a un petit peu d'infiltration, il prend un petit peu tous les éléments qui fonctionnaient plus ou moins bien, on va dire, sur cette génération, et en le mettant bah, dans cette ambiance survivaliste, donc il y a un côté un peu horrifique, il y a des moments où le jeu fait un petit peu flipper tout de même, et c'est vrai que ça reste assez classique, et c'était un des reproches qu'on pouvait lui faire, se dire, bah voilà, c'est pas un jeu... c'est pas un jeu où en termes de système de jeu, les escarmouches et tout ça, c'est pas un truc qui est là pour briser des codes ou casser les limites ou repousser les limites du genre, quoi. C'est pas du tout ça. Le gameplay classique TPS, il est vraiment là pour servir l'histoire et te mettre dans les chaussures de ces personnages-là et qui survivent, quoi. Et c'est te faire ressentir la tension. Quand même, en termes de munitions, il y en a pas énormément, donc tous les éléments sont là pour te faire comprendre. Oui, on est dans la survie, donc on est toujours dans un nombre limité de ressources qui sont à disposition. Il faut faire attention, mais bon, très rapidement, on gagne quand même la confiance, parce qu'on peut se fabriquer, on en rigolait, on peut se fabriquer des cocktails Molotov ou des mines vraiment, ouais, vraiment des bombes de proximité, des bombes de proximité, voilà, c'est MacGyver, il trouve 3 ficelles et 2 moutons et hop, il fait des bombes qui ne détecte que les ennemis, hein, au passage, ouais, pas lui, bah, ni Ellie d'ailleurs, parce que Ellie personne ne peut la détecter, hein. c'est un des éléments de gameplay qui avait choqué à l'époque, ouais, c'est vrai qu'ils parce avaient que fait ce choix-là, Ellie en fait elle est autonome, donc elle se déplace en fait elle-même, elle choisit, c'est pas complètement scripté, hein, c'est une partie de réaction de son intelligence artificielle, et c'est vrai qu'il y a tout un tas de moments où toi tu vas être caché et Ellie va marcher, parce qu'elle a pas la place de se mettre à côté de toi sur la même petite couverture, donc on va aller se mettre à couverture à côté de l'ennemi qui est en train de te chercher, et évidemment toi ça te sort du jeu. Toi je sais, Max, du coup, comme tu l'as fait récemment, que ça t'avait un peu choqué, ce genre de truc là après je le savais déjà, tu vois, et du coup comme le jeu était un peu, bah il a 5 ans et demi maintenant, je lui pardonnais un peu, parce que c'est vrai que les IA toujours aujourd'hui c'est pas ouf. God of War, ils avaient trouvé une petite façon d'intégrer plus Atreus dans les combats, et là c'est quelqu'un qui se cache quand même beaucoup. C'est de l'infiltration, donc c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. Bah, disons que c'est mieux que. Enfin, tu sais, si elle se tape. Parce que parfois ils se tapent des sprints au milieu des ennemis. Si ça réveillait tous les clickers, et ensuite la course, fait putain, Ellie t'abuse, quoi. Non, ce serait beaucoup trop frustrant. Non, mais ce serait, on pourrait pas jouer. Si Ellie, elle existait dans le jeu, ce serait injouable. Mais il le racontait, je me souviens, j'avais lu à l'époque où ils avaient vraiment envie de pas en faire un boulet. Donc ils se sont dit, tout ce qu'on va faire, on veut vraiment faire pour que Ellie jamais t'aies envie de lui râler dessus, de dire « c'est de sa faute ». Quoi. Donc ils ont fait vraiment ce choix de design de se dire « bon, on la rend invincible, elle est invisible, elle peut courir, faire des galipettes devant la tronche d'un mec, elle personne ne peut apprendre à siffler alors qu'il y a des cliqueurs et ça ne choque personne ». Bah, on en reviendra peut-être après sur le côté un peu narrative gameplay, mais il y a des petits côtés. Et surtout, tous les choix de design en termes de gameplay qu'ils ont fait vont dans ce sens-là, c'est-à-dire que pour choper un objet, tu vois, c'est pas Red Dead, c'est pas « je prends l'objet, je l'attrape, je le mets dans ma poche », c'est « je fais globalement un clic dans la direction plus ou moins vague où il y a un objet, et le machin, il est dans mon inventaire ». Les pinces de Joël. Ah oui. Ouais, c'est vraiment genre il attrape des trucs. Et c'est pareil quand tu incarnes Ellie, et pourtant ils ont quand même réussi à trouver un compromis que je trouve très intéressant avec une des grandes avancées de la génération précédente qui était Dead Space, qui était la suppression de l'interface utilisateur. C'est-à-dire qu'on n'avait plus des infos qui étaient en permanence à l'écran, les infos elles apparaissent quand tu choisis de les faire apparaître, et en fait il pose son sac par terre quand il fait du craft, enfin machin, donc il y a un mix en fait d'éléments qui sont dans la diégèse, qui sont également des éléments de gameplay, et ça c'était vachement intéressant, c'est une des avancées de la génération précédente, et ça a été repris énormément dans Zelda, etc., dans la génération actuelle, et ils ont réussi à faire en sorte que ça soit pas non plus trop lourdingue, c'est-à-dire qu'en fait c'est vraiment le compromis entre le jeu What the Fuck Skyrim où tu fais pause et tout le monde fait pause, tu fais tes 90 potions pendant que tu prends un coup d'épée, hop, t'as fini tes 90 potions, tu enlèves la pause. La version extrême inverse où c'est Red Dead, où tu prends ta boîte de petits pois, tu la regardes, tu vérifies si ça fait le bon poids, tu regardes si c'est bio, etc., etc. Et après, tu peux l'acheter et ça fait déjà 2 heures que t'es en train d'acheter une boîte de petits pois. Merci Red Dead Redemption 2. Pour les boîtes de conserve bio dans Red Dead, c'est vraiment pas mal. Et là, ils ont réussi à trouver cette espèce de compromis où ça reste réaliste, tu acceptes l'idée que c'est réaliste et en même temps, tu acceptes l'idée qu'il y a plein de trucs qui se passent qui devraient pas se passer comme ça. Ouais, toi aussi de toute façon, tu fais des concessions au nom de l'histoire. De toute façon, comme on disait avec Ellie, tu comprends vite pourquoi. C'est pas un si grand effort de ta part. Et exactement. Et du coup, pour revenir finalement à l'écriture, parce que tous ces éléments de gameplay là, en fait, ils sont vraiment au service de l'histoire. Naughty Dog, en fait, à ce moment-là de l'histoire de leur studio, ils ont vraiment décidé de faire ça. C'est-à-dire qu'ils ont acquis ce savoir-faire-là avec Uncharted. Ils ont toutes ces expériences de jeux très gameplay, en fait, avant. Et là, ils ont acquis ce savoir-faire-là. Ils savent raconter des histoires. Ils savent bien les rythmer, les raconter. Et là, c'est vraiment ce qu'ils veulent faire avec The Last of Us. Et moi, ce qui m'avait finalement... Ce qui est incroyable, c'est à quel point tu t'attaches à Ellie, finalement. Pendant le jeu, la dernière fois, on parlait de Firewatch, où tu as une relation qui est très forte avec Delilah. Delilah, ouais. Mais Firewatch est sorti en 2016, et à cette époque-là, en 2013, j'avais pas l'impression qu'il y avait un jeu qui avait réussi à atteindre un niveau d'écriture où, à ce point-là, ce personnage, il était ancré dans le jeu, et à quel point tu t'y attachais, et à quel point il était humain. Parce que si tu l'enlèves, ce côté invincible, elle fait des galipettes partout, en fait, sa manière de s'exprimer, la façon dont tu as d'interagir avec elle, parfois, tu sais, tu peux aller, tu peux appuyer sur triangle pour déclencher des petits dialogues un peu optionnels, mais globalement, c'était un peu un walking simulator avant l'heure, c'est-à-dire que t'avais beaucoup de moments où tu te balades tout simplement et ça papote quoi. Et c'est un jeu qui est extrêmement linéaire et dirigiste, hein, ouais. Il faut le dire, c'est vraiment ça qui est très fort chez Druckmann et en tout cas chez Naughty Dog de manière générale. Ils ont appris à nous raconter des histoires qui se passent sur des rails et on ne le sent jamais. On a toujours le sentiment d'être en train de se balader dans quelque chose, alors qu'en réalité, on est sur des rails et que tout est anticipé, tout est prévu, etc. Et ça, c'est très fort, parce que finalement, la linéarité, c'était quelque chose qui était reproché, tu vois, à l'époque où tout le monde est en train de jurer par l'open world, etc. Eux, ils arrivent en te disant, bah non, regardez, on vous fait une belle ligne droite et vous allez kiffer votre race. Mmh. Parce que c'est très bien rythmé, c'est très bien écrit, et clairement, pour moi, ça a été le moment charnière au niveau de l'écriture des personnages, parce que le premier épisode de Walking Dead, si je dis pas de bêtises, était déjà sorti. Je crois que c'est Telltale. Mais on n'était pas dans la sphère du AAA. On était encore sur des jeux indépendants qui concernaient une niche, surtout à l'époque, aujourd'hui peut-être un peu moins. Mais à l'époque, dans les jeux grand public, non, on n'avait jamais eu un personnage aussi écrit, on va dire, de manière aussi libre, aussi réaliste, et surtout aussi qui prend autant de liberté au niveau du langage. Parce que faut pas oublier qu'aux États-Unis, dire fuck, nous comme ça nous paraît rigolo, mais pour eux, c'est vraiment quelque chose de il faut pas le faire, c'est la F-bombe, etc., etc. Et donc, en gros, ils sont tous ultra vulgaires, et donc l'écriture des personnages était très réaliste, mais dans le sens un peu Céline du terme, tu vois, c'est vraiment des personnages un peu trash, un peu, un peu barbus, bah, tu sens que les fringues, ils collent à leur peau, bah, c'est etc. C'est ce qu'ils voulaient faire, ça a déjà été dit un petit peu au début, où t'avais Uncharted, où c'était un peu plus... Beaucoup plus léger. Voilà, c'est Indiana Jones, quoi, Uncharted, voilà, c'est vraiment ce côté pop, et oui, t'as cette fameuse dissonance ludonarrative où tu tues plein de gens, mais en fait, c'est pas le propos, tu vois, c'est du spectacle, c'est de l'aventure. C'est le côté aventure pour un peu toute la famille. Exactement. Et ils ont un terme en fait qu'ils utilisent vraiment pour c'est le verbe ground, et oui, on peut dire, je dirais aussi ancré dans la réalité, en tout cas le rapprocher du sol, plus terre à terre, plus réaliste. Et ils ont fait ça, ils sont pas surhumains parce que du coup Nathan Drake, c'est le type, il peut survivre à il peut se prendre une avalanche, un hélicoptère, un train dans la gueule parce qu'il est trop fort, et en plus il a la classe, il a les cheveux, ils sont même pas, et puis il te fait une petite blague et derrière t'as trop envie de quand tu regardes ce que t'as fait avec Joël, t'es quand même, il est fort, il est quand même. Il est fort, mais dans les limites de ce que pourrait faire un humain. C'est-à-dire qu'évidemment, si tu réfléchis deux secondes à l'endurance qu'il a, c'est pas possible. Je veux dire, quand il a une balle dans le bide, etc., il peut faire des trucs. Évidemment, il se fait tirer dessus et ça t'enlève juste un carré de vie. Donc, ça reste du jeu vidéo. Mais je veux dire, dans ce qu'il fait au global, les actions les plus folles qu'il fait, c'est tuer des mecs. Ouais. C'est tout, c'est grimper éventuellement sur un échafaudage qui s'effondre, se prendre un truc dans le bide, alors que Nathan Drake, lui, il est jamais là-dedans. Je veux dire, le type, il est au bout du Népal, au fin fond d'une ligne de train, il s'en sort, et juste derrière, il a quand même le temps de te faire 3-4 vannes. C'est le spectacle, quoi. Ouais, c'est ça, et donc c'est vraiment la différence entre les deux séries qui est vraiment devenue manifeste, parce que ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure dans la remise en contexte, c'est qu'ils étaient persuadés. Jusqu'à la dernière seconde, c'était un peu à la Cory Barlog, et ils auraient pu nous faire ça à l'époque, la petite vidéo un peu fake là. Ils pensaient que le jeu allait se planter. Ils pensaient que le jeu allait se planter parce qu'ils pensaient que le public était pas prêt pour un jeu peut-être plus mature, plus sérieux, plus mieux écrit en fait. Parce que c'est vraiment ça qui a choqué, je pense, à l'époque, enfin, qui a marqué. Bah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, parce que tu vois sur le côté groundy, tu vois sur la façon dont sont écrits les dialogues, tu retrouves vraiment ce côté-là. Parce que les personnages, ils ne sont pas unilatérales, ils sont assez subtils, ils sont assez nuancés. Ellie, elle est super attachante parce qu'elle fait des petites vannes, mais en fait, je sais plus, j'écoutais un podcast il y a pas longtemps où quelqu'un racontait que quand tu veux raconter une histoire, en fait, l'idée pour pas ennuyer les gens, c'est de faire des contrastes entre les émotions. C'est d'arriver à jouer sur la joie, la tristesse, plein de trucs différents et qui font que bah, tu vas passer tout le film ou tout le livre à ne pas t'ennuyer. Et c'est ça, en fait, quand tu suis Ellie, elle te fait passer par plein d'émotions différentes. Il y a le côté, quand elle est dans la bagnole, là, avec Joël, qu'elle ressort les... donc son pote à Joël, il est gay et il a des magazines un petit peu érotiques quoi, et elle tombe là-dessus comme ça, elle fait un peu des vannes et elle dit voilà comment on peut se balader avec un truc comme ça entre les jambes et tout, enfin les dialogues sont bien écrits, elle est drôle, et quand elle doit être touchante, elle est super touchante, quand elle doit être vénère, elle est vraiment vénère, et en fait on arrive à voir toutes ses facettes, c'est un personnage qui a plein de dimensions, et c'est ça qui le rend si attachant quoi et si crédible. Ouais, et parfois elle le fait dans des contextes un peu plus chauds, enfin c'est un jeu qui a une tonalité assez mélancolique. En fait, la musique, je trouve qu'elle lui donne vraiment cette tonalité-là où t'as un peu le bruit. T'as qu'une guitare déjà, ça c'est un choix. Mais, vraiment, et sinon, t'as plus. Alors, j'arrive pas à qualifier, j'ai pas le vocabulaire pour ça, mais là, c'est pas la guitare, t'as parfois juste une espèce de bruit un petit peu de fond. Enfin, des nappes un peu. Je pourrais mettre là pendant qu'on parle, je mettrais ça en fond. Tu sais, les petites. Enfin, je peux pas le faire. Mais qui donne un côté donc un peu mélancolique quand t'as les paysages urbains ou t'as la nature qui reprend un peu le contrôle. Et au milieu de ça, t'as Ellie qui va, je sais pas, te sortir une petite phrase drôle ou va faire elle fait souvent, elle chantonne un petit peu, elle fait des petits bing bing comme ça, et ça, comme tu dis, ça fait plusieurs émotions. Ça reste une ado, tu vois, c'est-à-dire que elle a déjà tout vu, tout compris au monde, et elle sait que le monde c'est un endroit de merde, mais elle reste une enfant quelque part, tu vois, elle a quand même envie de s'amuser, elle parle des jeux vidéo, elle voit les singes. Enfin, je sais pas, quand elle voit un cheval la première fois aussi, tu vois, elle a jamais vu de cheval, et c'est vrai que du coup ce qu'il faut, s'il y a un truc qui est intéressant entre les deux personnages, c'est l'écart de génération entre les deux, parce que lui effectivement, Joël, il a connu le monde, il y a la blague où quand elle trouve une cassette, elle lui donne en lui disant tiens c'est pour toi, et t'as Joël qui est obligé de lui dire non mais même moi la cassette, tu vois, c'était déjà old school pour mon époque, et du coup il y a un écart entre les deux où lui il a connu le monde avant et elle est née dans ce monde là où elle était née peut-être 15 secondes avant l'outbreak, donc forcément elle a aucune idée de comment le monde y pouvait être avant. Donc pour elle, sa réalité, ça reste une enfant, et donc elle se construit dans cette réalité-là. Elle n'a pas le choix. Et ça, c'est parfois intégré de façon intéressante, où, comme tu dis, c'est un peu un walking simulator avant l'heure, où tu te balades, en fait, comme ça reste une histoire linéaire, mais t'as des moments de flottement, en fait, et tu peux vraiment décider, tu vois, Ellie avec son triangle, et il va se passer quelque chose, t'as un moment, alors je pense pas qu'il fallait appuyer sur triangle, ça doit être pour le coup automatique, elle a des lucioles qui sont autour d'elle, tu vois, elle s'émerveille un petit peu, c'est la première fois qu'elle est en forêt, qu'elle est dehors, elle fait, ah, il y a des fireflies, enfin, des vrais fireflies, tu vois, pour le coup, donc ça renforce un peu le côté innocent, en plus, où elle, fireflies avant, c'était plus associé à un mouvement, bah, de rebelle, tu vois, contre le gouvernement, et là elle s'émerveille devant des animaux, ou t'as le moment où, bon alors là, selon les parties, c'est plus ou moins touchant, il y a un moment, comme tu disais, elle essaie de siffler, elle souffle en fait très fort, elle fait « Ah, j'aimerais bien siffler », alors moi c'est arrivé, il y avait un clicker, ce qui était à moins de 10 mètres, qui était sous une fenêtre ouverte, donc pour moi j'étais un peu « Bon bah là, ça marche pas, clairement le jeu, il est ça me sort complètement du jeu, j'ai une meuf qui essaie de siffler à côté d'un zombie, non, c'est pas possible ». Surtout que le zombie est aveugle et il ne réagit qu'au son, donc tu vois, en plus, c'est les personnages, je pense, les plus oppressants du jeu, c'est vraiment les ennemis les plus horribles, ouais. Avec leur espèce de bruit là, les caquettements de dauphins chelous là, et du coup forcément quand t'as ce genre de situation là, ouais bah oui ça fonctionne pas, mais moi c'est pareil dans la séquence, je me souviens très bien de Ellie qui se balade parce que en fait son IA ne savait pas où se placer parce que là il y avait un clicker, alors elle se dit ah merde je vais pas aller là, et puis elle marche, et puis t'es là genre ok, bah moi je sais pas ce que je vais faire au mieux, mais je vais tous les tuer, alors je t'ai des briques à la gueule. Mais et j'avais eu un autre moment où c'est avant de rentrer dans l'hôtel, donc là c'est le moment où t'es en ville et il y a les hunters, tu vois, les chasseurs, donc les gens qui tuent un petit peu bah, tout ce qu'ils trouvent, et puis on découvre plus tard qu'aussi ils les mangent. Et donc tu vois deux mecs rentrer dans l'hôtel, et à un moment j'étais vraiment à 5 mètres de l'endroit où ils sont rentrés, donc on va faire une énième fois le passage, la boucle un petit peu chiante où tu dois ramener une planche de bois à Ellie, enfin une palette de bois à Ellie qui ne sait pas nager. Et il fait ouais, attends, bouge pas, je vais te chercher un truc. Tu dis putain, mais t'es juste à côté de la fenêtre où t'as deux mecs armés qui viennent de rentrer et ils buglent, tu vois, dehors. Donc ça, bon, c'est un peu... Ouais, des petits différentiels oui, parfois sur des trucs comme ça. Mais d'ailleurs, justement, c'est pas grave parce que... Enfin, au final, c'est pas grave parce que ce que tu retiens, c'est tous ces autres moments. Ouais. Et dans l'écriture, moi, je trouvais que c'était intéressant là d'insister sur le côté émotion. Un autre truc que t'as pas forcément dit et qui maîtrise beaucoup, c'est les silences. Parce que moi, ce que j'ai trouvé génial dans ce jeu, c'est qu'il prend le temps. Ouais. Et ça, dans le jeu vidéo et... A fortiori, quand t'as connu Uncharted, qui est une espèce de surenchère permanente, ils ne peuvent pas te laisser. C'est une course. Tu vois, ils ont peur, Uncharted, si pendant 30 secondes, tu ne fais rien, ils ont peur que tu poses la manette et que t'ailles faire autre chose ou que tu retournes dans le monde réel, donc ils veulent surtout pas que tu fasses ça. Que là, eux, ils s'en foutent. Ils te laissent vraiment des moments de respiration. T'as le fameux moment avec les girafes où elle voit une girafe dans Boston et en fait, elle est en train de... C'est la première fois qu'elle voit un animal aussi fou. Et du coup, tous les deux, ils la caressent. Enfin, c'est vraiment un des moments les plus attendrissants et les plus poignants du jeu. Je pense qu'il a marqué tout le monde. J'espère. Hein bon, sinon je vous juge très fort avec mon petit doigt. Nous a marqué. C'est bon, tout va bien. Et ces moments-là, en fait, sont vraiment des moments de respiration, comme on aurait au cinéma ou plutôt à la série. Et pour moi, en fait, ce que je voulais dire, c'est que je trouve que The Last of Us, ça montre vraiment le moment où le jeu vidéo ne s'est plus forcément inspiré que du cinéma. Tu vois, Uncharted, c'est le grand cinéma, grand spectacle, etc. Il s'est inspiré de la série télé. Et il s'est inspiré de l'écriture de la série télé. Et comme on le sait, bah, la série est devenue un des médias, on va dire, prédominants de la télévision ces dernières années. Et je trouve qu'ils ont vraiment repris cette écriture-là, qui n'est pas pensée pour être condensée en 2 heures ou en 90 minutes, mais qui peut s'étendre sur une dizaine d'heures, et donc il s'autorise ce genre de respiration, ce genre de moment un peu de déconne, qui servent pas nécessairement de propos, mais qui permettent au final de mieux construire les personnages, et surtout toi, de mieux t'y attacher. Tout en maîtrisant les codes du jeu vidéo, parce que la scène des girafes elle vient juste après une autre scène qui marche super bien en jeu, donc là on est donc en printemps, c'est juste après donc l'hiver, donc t'en avais parlé tout à l'heure Hugo, où Ellie en fait elle vient de poignarder un mec, elle a vraiment vécu une expérience traumatisante, elle a été enfermée par des cannibales, ça, c'est quand même ça marque, hein, ça m'est pas arrivé, mais je suppose que ça marque pas mal. Et donc juste après, on vient de jouer ça, et juste après on se bat, donc on a encore ça en tête, et il y a un moment où Ellie, en fait, elle est un peu perdue dans ses pensées, tu dois faire une énième fois donc la boucle là, avec l'échelle, où en fait il y a une échelle qui est inaccessible, Joël doit faire la courte échelle à Ellie pour qu'elle lui fasse tomber l'échelle, et donc t'appuies sur triangle pour qu'elle le fasse, et en fait elle bouge pas sur le coup, elle reste dans son coin, et tu appuies sur triangle, et en fait il se met même en position, Joël il se met le dos, t'as la petite cutscene qui commence, il met le dos contre le mur et tout, et elle vient pas, et elle est perdue dans ses pensées, et toi tu sais pourquoi tu viens de le jouer, tu viens de traverser toute cette épreuve avec elle, tu sais ce qui se passe, tu sais précisément ce qui se passe dans sa tête, et tu dois la rappeler à l'ordre, et ça rappellera un petit peu ce dont on avait déjà parlé avec God of War. Ah bah oui, là c'est vrai qu'avec a posteriori tu pourrais dire, il pourrait crier boy, tu vois. Bah, c'est ça, girl. Et je trouve que c'est, en plus on en avait déjà dit du bien dans God of War, je trouve que c'est encore plus réussi là dans The Last of Us, parce que comme je disais, tu viens de jouer ce qui se passe dans sa tête, en fait t'as une empathie beaucoup plus forte qui se crée, et ce qui est important aussi, c'est que bah, c'est juste avant la scène des girafes, donc tu sais qu'Ellie elle est encore un peu pas très bien, tu vois, dans sa tête, elle est encore un peu tu sens qu'elle y pense, tu vois, t'as la scène de l'échelle et juste après t'as la girafe qui est un peu la scène de réconciliation finale entre Ellie, Joël et un peu bah, le goût pour la vie en fait. Donc c'est une des raisons pour lesquelles cette scène est si marquante. Ouais, effectivement. On a déjà pas mal parlé de l'histoire. Très rapidement, un petit peu sur ce que raconte finalement le jeu. Nous, on y réfléchit en discutant un petit peu ensemble. En fait, c'est pas un jeu, même si ça se passe dans une espèce de dystopie et tout, que c'est du post-apo, c'est vraiment un jeu qui est centré sur les personnages. C'est-à-dire qu'une fois qu'on le termine, c'est ça qui reste. C'est vraiment cette histoire entre Joël et Ellie. Mais il n'y a pas forcément de jugement sur la société ou des trucs comme ça. C'est un jeu d'ailleurs, et le choix à la fin de Joël, le fait de choisir de récupérer Ellie et surtout de faire un peu un massacre dans le laboratoire, à la fin, vraiment la dernière séquence, non, c'est pas la dernière séquence jouable, mais quasiment la toute fin, où en fait, bah, Ellie est sur le lit sur le billard quoi, ouais. Et en fait tu mets en joue un des médecins, un des chirurgiens, et pour que le script de la suite se lance, c'est-à-dire que le jeu continue, il faut vraiment en tuer au moins un. Et ça, c'est le premier, c'est quand tu ouvres la porte. Exactement. Et tu dois le tuer absolument. Les autres, ils se recroquevillent, ils se mettent la tête entre les mains. Tu peux les tuer ou pas, mais ouais, c'est toi ce qui choisis. J'ai pas tenté, mais je pense que si tu vas vers Ellie sans avoir tiré sur le premier il t'attaque. Je pense, en tout cas. Ouais, ouais, tu dois te défendre en fait. On est toujours dans l'idée que tu dois te défendre. Ouais. Mais le fait que le jeu en fait se centre autant sur les personnages te permet donc de créer l'empathie, puisque ça c'est essentiel pour que tu puisses t'attacher aux personnages. Il faut que tu puisses te mettre à leur place et ressentir leurs propres émotions. Le fait que le monde comme ça soit aussi horrible, ça exacerbe évidemment tout ça, et donc ça facilite encore plus l'identification au personnage, et surtout ça te permet, et moi c'est la discussion qu'on avait tout à l'heure avant de lancer le podcast, d'oublier que en fait Joël est horrible. Parce que pour moi, d'un point de vue moral, dès que tu prends un peu de recul par rapport au personnage, ce qu'ils font tous les deux, c'est horrible. Ils tuent des centaines de personnes sans aucun scrupule. Tout ça pour la survie. Alors qu'en fait, tous les autres gens, ils ont la même morale qu'eux. Eux aussi, ils essayent de survivre. Et donc, pour survivre, c'est toute la relation un peu chelou, la discussion que t'as avec David. Alors David, il est présenté comme un personnage un peu bizarre parce qu'il a, tu sens qu'il est un peu amoureux de Ellie et tout ça. David qui est donc le chef des cannibales. C'est le chef des cannibales, ouais, c'est le cannibal master. Et du coup, lui, il est dans la même idée qu'elle, c'est-à-dire qu'il lui explique, il l'humanise. Sur le Cannibal Bastard, je vois le mec, tu sais, qui se réserve les meilleurs morceaux. moi, je mange les cuisses parce que. C'est un peu crado. Mais non, mais parce qu'il y a une discussion qui est vachement intéressante quand elle rencontre David pour la première fois. C'est un type qui est présenté de manière tout à fait humaine. C'est pas un monstre. Il est pas du tout présenté comme une espèce de gros méchant sanguinaire. Je sais plus comment il s'appelle, le méchant là dans Walking Dead avec sa batte de baseball. Ned, je crois. Negan. C'est pas Negan. Je vois. C'est pas un type vraiment vénère. Lui, il est humanisé instantanément. Il t'explique qu'il est avec sa famille, qu'il a un groupe, qu'il essaye de les faire survivre. Et pour les faire survivre, plus tard, tu découvres qu'en fait, il tape un peu aussi dans la barbe. Et que quand les gens meurent, ils les bouffent. Et du coup, ça crée évidemment un moment de confusion auprès de Ellie, parce qu'elle avait fait confiance, et donc, alors qu'elle d'habitude, elle aime pas faire confiance, donc là forcément, elle remet encore en cause la confiance qu'elle peut avoir envers le reste du monde, à part Joël, donc ça les renforce un peu la relation entre les deux. Mais surtout, ça fait aussi. Enfin, moi, ça m'a fait dire que David, ben. Il est comme tous les autres, lui aussi il a besoin de survivre. Alors il en est arrivé au stade où il doit manger des autres gens, moi je sais pas ce que je ferais dans la situation de survie, mais le jeu, et vous aviez raison de me le faire remarquer tout à l'heure, il te met pas tant l'accent sur ça, il te met pas dans la relation de tu juges pas, voilà, c'est moi qui prends le recul, mais effectivement le jeu n'a pas ce propos de poser ce jugement là, de dire ah bah Joël et Ellie ils sont vraiment mauvais, parce qu'en fait tout est fait pour que tu rentres en empathie avec les personnages et pour que tu comprennes leur choix, même si, et c'est pour ça que le petit passage dont je parlais là, le choix que tu fait de tirer, il est important, parce que ce moment-là, là, le jeu est engagé. Parce qu'il y a plein de gens qui se sont dit, bah moi j'aurais aimé avoir le choix. Et là, le jeu, en fait, le fait de t'obliger à faire ça et de te le faire en jeu, c'est-à-dire que c'est pas une cinématique, c'est quand même toi qui appuies sur la gâchette, et ben c'est là où tu vas te distancer. Et je trouve ça cool, en fait, qu'à la toute fin du jeu, en fait, le jeu laisse une petite pichenette comme ça, te dire, bah tu vois ce qu'il est Joël, en fait. Et du coup, c'est ça qui te permet, je pense, une fois que t'as posé le jeu, de commencer à faire mouliner et te dire, bon, attends, mais en fait, Joël, c'est pas quelqu'un de bien, quoi. En fait, c'est pas. C'est pas non, un héros, c'est, ils sont pas, mais même non plus Ellie, parce qu'en fait les deux, en fait, ils sont obligés de commettre des actes où à notre niveau à nous sont horribles, parce qu'ils tuent des gens, mais je veux dire sans aucun scrupule, ils réfléchissent même pas. Ce n'est pas eux, c'est vraiment tribal comme fonctionnement. Tu n'es pas avec nous, tu es donc contre nous, je vais te tuer. Ouais, c'est ça, c'est vraiment des réflexions très basiques. Et la scène de fin où il tue Marlène et où on la revoit est tournée d'une manière qui est très intéressante, parce qu'en fait c'est une alternance entre le présent quand il est dans la voiture et qu'il parle avec Ellie et le passé, le moment où il a tiré sur Marlène. Et en fait, il y a une alternance entre les deux où on voit, fur et à mesure, on ne sait pas ce qui va se passer. En fait, il discute avec Marlène. Il tient Ellie dans les bras, il a le flingue, on le sait pas encore. Marlène, elle commence à lever les bras en disant je me calme. Et là, pouf, la scène, elle passe dans, on est dans la voiture. Et là, tu dis merde, qu'est-ce qui s'est passé? Et on te le raconte pas. Et tu comprends plus tard qu'en fait, il a tué Marlène en lui disant un truc du genre, de toute façon, t'allais la poursuivre. Tu vois? Donc il la tue pour être sûr que personne ne lui enlève Ellie. Et la façon dont c'est construit, ça permet d'accentuer ce phénomène de distanciation, là, que tu disais il y a 2 secondes, où finalement, à la toute fin, toi qui as incarné Joël pendant tout ce temps, finalement je me suis dit, merde, ce personnage, c'est pas moi. Est-ce que finalement c'est moi, est-ce que j'aurais fait pareil, moi je me suis distancié à un autre moment parce qu'encore en gameplay le fait de tuer les gens et tout, si tu vois avant nous Maxime. Maxime il était là avant que ça soit toujours. Mais en fait donc en gameplay moi ça va, tu vois, j'étais pas en côté il fait des choses horribles et tout parce que t'as ce côté donc un peu superficiel hein, mais tu te défends, tu vois, cannibales qui te foncent dessus, enfin moi j'avais ce côté tu tues des méchants, globalement tu tues des méchants, tu vois, à part peut-être la milice, bon je sais pas trop, mais il y a un moment vraiment où t'es avec donc les Hunters là, tu te bats contre eux et Ellie elle découvre un peu le concept, elle sait pas trop qui c'est et Joël il lui explique un peu c'est les gens qui attaquent des innocents, qui prennent leurs affaires et tout, et elle dit ah t'as l'air de bien connaître, il dit ouais j'ai été des deux côtés. Et c'est vrai que quand il a lâché cette ligne j'ai fait ah putain, donc Joël toi t'attaquais des innocents, parce que moi j'ai encore ce concept d'innocent, on en parlait tout à l'heure, même quand la société s'effondre, les cannibales ça va, pour moi c'est les méchants, tu vois, ils sont plutôt mais méchants. Tuer des gens pour se défendre ça va, c'est acceptable, tuer les cannibales qui veulent te manger moi ça va, dans mon gouvernement il y a pas de souci, tu peux tuer les gens qui veulent te manger, voter pour Max. Par contre les attaquer des gens, tu vois, dans la rue sans savoir quoi que ce soit d'eux, non, tu vois, pour moi c'est méchant, t'es dans l'hostilité, c'est simple. Donc Joël il était méchant, voilà, donc et c'est vrai, et pourtant il le lâche juste comme ça, et j'étais choqué en fait. Je me suis dit, ouais, donc Joël il a vraiment buté des gens. Mais t'as plein de pistes en fait qui te laissent le. T'as plein de pistes, donc t'as des discours que peut faire Tess, ou le fait que Tess soit aussi effrayante, c'est pas pour rien. Parce que, je veux dire, en termes de carrure, elle est pas non plus imposante. Ouais. Par contre, ils savent, tout le monde sait très bien qu'ils sont fous, les deux, et qu'ils sont capables de péter une pile et de vous tuer comme ça, juste sur un coup de tête. Tu sens même que quand ils arrivent, il y a une autre scène où ils arrivent devant des hommes de main de Robert au tout début, ils sont 4, eux ils sont que 2, et. Ils ont pas peur, mais c'est un truc de malade. C'est vraiment la scène où Tess, elle dit « Oh, fuck it », et elle lui tire dessus, elle en tue 2, avant même que les autres, ils aient le temps de réagir, quoi. Donc, t'as cette scène-là, et t'as la scène aussi avec Tommy, puisque du coup, moi, j'ai toute une petite théorie comme quoi Tommy, c'était le pré-Ellie, le frère de... Du coup, dans le personnage de Joël, si on reprend sa chronologie, sa fille meurt, bon, pas cool, pas de chance. Pas cool. Le monde s'effondre, etc. Et en fait, il explique à la toute fin du jeu que la survie, pour lui, c'est trouver des raisons de combattre en permanence. Et donc, j'imagine que quand il a perdu sa fille, il s'est mis à se protéger son petit frère de manière complètement folle, et Tommy, en fait, tu comprends qu'il a rejeté toute sa vision du monde en disant, non, on peut pas aller aussi loin, on peut pas aller aussi loin que être des hunters et tuer des innocents, etc., on peut pas aller aussi loin, tu vois, et ça, en fait, ça te permet, mine de rien, quand tu refais un peu le jeu et tout, en filigrane, ça te rappelle que Joël, à un moment donné, c'était le type que t'as défoncé, c'était un de ces nombreux gars que t'as défoncé. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à la fin du jeu, tu te dis, si tu raisonnes vraiment méchant gentil, tu dis, Joël, il fait pas partie des bons. Et c'est ça qui est fort finalement, et de faire un jeu qui n'est pas, alors je rentre dans un autre truc, c'est pas manichéen, mais c'est ça qui est fort, c'est d'arriver à t'attacher à un personnage, te faire voir le monde à travers ses yeux, la relation qu'il a avec Ellie, qui est quand même, bon, même si à la fin elle est pas hyper saine, mais voilà, il a des réactions humaines avec cette gamine, c'est un père vis-à-vis de sa fille, quoi, entre guillemets, mais. Par contre, ça reste aussi, il a fait des choses affreuses derrière. Et voilà, je pense que c'est ça, finalement, qu'ils ont essayé de faire, parce que je parle plus du tout français, mais Neil Druckmann, c'était de mettre des gens dans ces conditions-là de survie et de chacun pour soi pour faire exacerber toutes les traits de leur personnalité. Et Joël, ça qui est intéressant, c'est qu'il joue sur plein de tableaux différents. Et finalement, c'est ça qui va être super cool. Moi, à la fin, quand j'ai terminé le jeu, je me disais, je vois pas trop la suite. Et finalement, plus j'y réfléchis, plus je me dis, en fait, pendant le 2, ils vont pouvoir vraiment faire quelque chose de surprenant. Je sais pas du tout dans quelle direction ça va aller. Et au passage, donc tu parlais que c'était mettre en valeur vraiment les personnages et leur personnalité, ils envisageaient même en fait de pas mettre d'infectés. Au début, ils disaient bon, on va faire quelque chose de post-apo, il y a une infection, il y a des gens qui meurent et on va raconter l'histoire de personnes qui évoluent dans ce contexte. Et au final, comme c'est un jeu vidéo et il y a un gros impératif d'action, surtout quand t'es dans un studio, je pense comme Naughty Dog et que t'as bossé sur Uncharted avant, c'est quand tu peux tirer sur des trucs, t'es plus à l'aise. Et ils ont mis les infectés donc dans ce contexte d'impératif d'action en fait, où t'es quand même obligé de faire des choses, tu vas pas juste raconter une histoire. Paradoxalement d'ailleurs, je trouve que ça fonctionne mieux que les humains. Je trouve que les passages avec les infectés fonctionnent un peu mieux que les humains, parce que avec les humains t'as tous ces problèmes d'IA et ça devient un peu aberrant, alors qu'avec les zombies le nombre, sont un peu, c'est le nombre quoi. C'est au bout d'un moment quand t'as tué 80-90 mecs, tu disais combien elle tue Ellie alors, avant de tuer David. Quand t'es en ville, donc quand tu te fais intercepter par les hunters, entre le moment où t'arrives en ville et le moment où t'en sors, tu tues environ 70 personnes. C'est un bon groupe de cannibales, tu fais le nettoyage. Là normalement tu finis à la et c'est crime de guerre. Pas fini, parce qu'après les cannibales tu les revois et tout, t'en tues plus de 100, tu vois, largement plus de 100. Tu tues des centaines de personnes et deviens dans l'impunité la plus totale, mais c'est normal, il n'y a plus vraiment de gouvernement, il n'y a plus vraiment de règles. C'est des cannibales qui veulent te manger. Oui, c'est des cannibales, donc c'est des méchants. Innocents. Sur l'échelle de Max, c'est des méchants. Ils ont gardé ce côté jeu vidéo, t'as raison de raconter ça, parce que c'est important de montrer à quel point finalement ils ont gardé ce côté jeu vidéo. Et ça nous fait notre transition avec la dernière partie, c'est génial. Exactement, on va pouvoir maintenant essayer de vraiment comprendre pourquoi il a le statut qu'il a aujourd'hui, pardon. Et c'est en fait, je pense que justement c'est arriver à avoir faire tenir tout ça en un seul jeu, c'est-à-dire qu'il y a ce côté jeu vidéo qui est quand même rassurant, on tire sur des trucs, c'est un TPS, les mécaniques elles sont à peu près convenues, c'est un jeu, tu l'as dit Exerve, qui est hyper dirigiste, donc tout est fait pour que tu puisses aller jusqu'au bout de ce jeu. T'es pas tenu par la main, t'as les pieds, les mains, la tête, tout est sur des rails et tout fait pour que tu puisses avancer et continuer. Le jeu, il est pas très difficile, si tu te mets en difficulté normale, c'est pas un jeu qui est extrêmement compliqué. Tu vas avoir des moments de tension quand même, mais c'est pas un jeu qui est particulièrement difficile. Et puis à côté de ça, cette histoire qui est très bien écrite et qui à l'époque, elle était peut-être, je vais pas dire que c'est l'histoire la mieux écrite, machin, que c'est hyper mature ou quoi que ce soit, mais par rapport en fait au standard du jeu vidéo à ce moment-là, C'était la première fois qu'on avait ça. Pour moi, c'est vraiment le point. Il y a vraiment eu un avant et un après, parce qu'en fait, du jour au lendemain, on avait l'idée qu'un triple A pouvait être un jeu intelligent. C'était toute la période où on était encore en train de se prendre la tête à se dire, est-ce que le jeu vidéo c'est un art, est-ce que c'est important, la narration, tout ça. Cette époque. Oui, c'est bon, merci. Donc c'était toutes ces discussions-là qui étaient tout à fait légitimes à l'époque, puisque le jeu vidéo lui-même était en train d'être de commencer sa crise identitaire liée au jeu indépendant, où il essayait de savoir s'il était tiraillé entre des impératifs techniques, des impératifs de gameplay, des impératifs narratifs, et au final ce jeu-là il arrive et il te dit en fait on peut tout faire, on peut raconter une histoire, on peut être techniquement incroyable, on peut avoir un gameplay solide et surtout on peut s'adresser au plus grand nombre. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce que effectivement le triple A tel qu'il était avant, tu l'as dit, la génération d'avant, un des jeux les plus marquants c'était Gears of War et Uncharted, c'était l'opposition, c'était Sonic et Mario de la PlayStation 3 quoi, et de la Xbox 360. Et donc c'était ces jeux-là où tu jouais des gros gars plein de muscles qui tuaient des méchants et où tu jouais un type super classe gominé qui tuait des méchants. T'as le côté un peu bourru, tu vois, Xbox, et du côté Sony c'était un peu plus un peu pop. Mais fondamentalement ça restait des jeux extrêmement classiques dans leur structure et surtout dans dans les personnages qu'ils construisaient, parce que tu contrôlais des super-héros, des personnages qui étaient là pour sauver le monde, qui étaient là pour se sauver eux-mêmes, qui étaient super classe, qui étaient super forts, qui avaient zéro défaut, ou éventuellement leur défaut c'était d'être trop bien. tu vois, c'était un peu Nathan Drake, genre oh là là je suis trop bien, c'est mon seul défôt. C'est pour ça, c'est le problème. Il y a trop de gens qui t'aiment et tu ne le vois pas. Je peux te faire des citations. Toi tu fais du rap, moi je fais de la pop française. On fait chacun notre truc. Et là c'est Gara, c'est mon kiff. Mais du coup The Last of Us est arrivé et a montré qu'en fait on pouvait faire autre chose, et c'était pas le seul à le faire puisque la scène indépendante avait déjà bien commencé, ça faisait quelques années qu'on avait eu du Fez, qu'on avait eu du Braid, qu'on avait eu des choses comme ça, mais c'était la première fois qu'on le voyait avec un jeu avec un autant de budget. Et ça c'est génial parce que ça a permis de montrer enfin au plus grand nombre que non, le jeu vidéo n'est pas un truc d'ado attardé, ça peut être un truc qui te fait réfléchir et ça peut être un truc où on n'est plus dans l'optique de on va le faire adapter en film. Il y a toujours eu une histoire, pendant des années, ça a été annulé depuis, comme quoi The Last of Us allait être adapté en film. Donc ça faisait partie de ces rares jeux qui ont suffisamment marqué le grand public et le milieu culturel de manière générale pour qu'on se dise, ah putain, il faut qu'on l'adapte dans autre chose parce que c'était vraiment trop bien. Mmh. Alors que finalement, si tu regardes un peu les références, bon, on a parlé de Sinzi, etc., on pourrait parler du livre La Route, on pourrait parler de Walking Dead, on pourrait parler de tout un tas de choses qui s'étaient passées à l'époque avec les zombies. No Country for All Men, No Country for All Men également, bon, qui est de toute façon écrit par le même gars qui avait fait La Route. Et du coup, tu te dis, bah, eux, ils sortent pas de nulle part, ils sortent également de tout ça, mais ils ont réussi à montrer et à faire d'un coup, pouf, monter la barre, monter le standard du triple A. Et c'est pour ça que je trouve que, bah, oui, c'est un jeu qui est monumental parce que c'est. Avant, on était encore un peu dans une espèce, non pas de médiocrité, parce qu'on aimait bien les jeux vidéo, mais eux, ils nous ont montré qu'il y avait autre chose qui était possible. Bah, surtout, moi, je vois les deux jeux dont on a parlé là précédemment, c'est God of War et Firewatch, ces deux jeux, pour moi, qui renvoient à The Last of Us. Alors, God of War, c'est presque littéral, parce que c'est vraiment un jeu qui est né après The Last of Us, et Naughty Dog, ils ont été impliqués dans le développement, parce que c'est de l'écurie Sony, donc ils communiquent beaucoup. Clairement, Cory Barlog, il l'a dit, il s'est beaucoup inspiré. Mais tu vois, tu prends un jeu comme Firewatch, toute cette relation avec Delilah, ces dialogues, cette manière de se balader, de regarder des objets, rythmique, de commenter. Voilà, tu vois, t'es un jeu dirigiste, t'as des pauses, t'es tout le temps des moments c'est un peu... C'est quelque chose, je sais pas si les gens de Campo Santo se sont dit, bon, on va prendre le côté les balades, parce que c'est pas forcément ça, ils en parlent pas forcément en référence, mais en tout cas... The Last of Us, je pense, a ouvert la porte vraiment à des trucs comme ça. C'est sorti quasiment en même temps que Gnome, je crois. 2013. Je crois que c'est vraiment kiff-kiff. D'ailleurs, je sais plus qui. Il y en a un des deux qui s'est inspiré de l'autre. Alors, c'est peut-être Neil Druckmann qui avait dit que justement, il s'était un peu inspiré de certaines choses de vue dans Gnome ou de l'inverse. Je crois que ça les a nourris. Il y a un peu de narration environnementale dans The Last of Us qui a peut-être été. Peut-être que c'est après sur Uncharted 4 que Neil Druckmann a dit je me suis inspiré de certains trucs dans Gnome, dans la maison, peut-être, parce qu'il y a un passage un peu dans la maison de Nathan Drake. Bref. Mais. Disons qu'il a ouvert la porte à toute cette possibilité d'expérience, tu vois, et se dire, en fait, c'est possible de faire ça. Et en plus, avec une vraie maîtrise sur le level design, les trucs comme ça, on peut rendre amusant du pas shoot, des choses, en fait, juste se balader et explorer. Ouais, on peut rester dans du divertissement tout en étant dans la réflexion. Et ça, c'est vrai que c'était quelque chose dont on n'était pas sûr. On le sentait venir, tu vois, parce que y avait eu les jeux indépendants, il y avait eu déjà quelques petites expériences comme ça, des trucs qui avaient commencé à bouger le monde du jeu vidéo, mais qui étaient vraiment réservé à une certaine niche, le microcosme des indie fac comme on disait à l'époque. Et du coup, là on a brisé le mur de verre et regardez, tout le monde peut le faire. Alors évidemment, le jeu il n'était pas parfait, on l'a dit, au niveau du gameplay il y avait des petites choses à revoir. Et justement, God of War, c'est très clairement The Last of Us 1.5, c'est la même histoire, un type qui doit s'occuper d'un môme dont il en a rien à cirer au départ. La nuance c'est que finalement en fait c'est son papa, donc forcément il est quand même un peu obligé, il a pas vraiment le choix et il doit l'amener quelque part, mais la destination est pas très importante. Ce qui compte dans les deux cas, c'est le voyage à chaque fois et la façon dont la relation elle évolue. Enfin, je veux dire, c'est vraiment le miroir. Avoir joué à God of War avant The Last of Us, pour Max, ça doit être très bizarre. Très bizarre. Est-ce que tu le vis bien ? Ça va. Ça va, ouf. Non, mais c'est vrai que c'est. Quand y a les gens qui disent Ouais, God of War, c'est vachement mieux que The Last of Us, en fait, il faut bien comprendre à quel point, en fait, The Last of Us a posé la base et qu'ils ont un petit peu construit dessus. Et même, c'est vrai qu'on parlait du passage avec Atreus, le bouton carré, là, quand il fait un peu la tronche. Et là, Max, quand tu l'as refait le jeu, t'as revu ce moment-là, moi, je m'en souvenais plus, honnêtement. Et tu dis, ah ouais, c'est exactement la même scène. À ce point-là de la citation, je trouve qu'il marche la même encore scène. Mieux dans The Last of Us. Ouais, tu le disais. Surtout qu'en plus, là, il y a un jeu d'acteur qui est bien meilleur. Parce que moi je me souviens parfaitement de cette scène là parce qu'en fait il se pose comme ça, t'as le contre-champ normalement, Ellie arrive toujours du contre-champ et là genre il ne vient pas et rien, tu sais, il lève un sourcil là, ils ont réussi à lui faire lever un sourcil et il regarde de côté genre what the fuck, t'es où, tu vois. Et c'est génial parce que, et un truc qu'on n'a pas dit, c'est que dans l'excellence technique de The Last of Us par rapport à un God of War où ils avaient des vrais acteurs à l'époque de The Last of Us, ils ne pouvaient pas intégrer les animations faciales, ils devaient les faire à la main. Ça c'est quand même une prouesse technique parce que justement les visages de The Last of Us, je veux dire, ils sont pas déconnants aujourd'hui. Et pourtant, c'est pas des acteurs. On n'est pas dans une situation à la Uncharted 4 où c'était vraiment du performance capture à total. C'était juste les corps en fait qui étaient pris, pas les visages. Il y avait des vrais animateurs et des vraies animatrices qui faisaient ce boulot-là pour chacune des petites, tu vois, des émotions qu'ils voulaient leur faire exprimer. Et je trouve ça mais incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Les animateurs qui ont fait aussi un très bon boulot sur le body language. En fait, t'as notamment dans la scène du prologue où t'as Sarah qui, donc quand on l'incarne, en fait, elle est réveillée par un coup de fil qui est Tommy, je crois, donc le frère de. Et donc elle vient de se réveiller, elle est encore fatiguée, et tu vois, tu sais, elle baille un peu, elle a un peu, tu sens dans ses bras, et à un moment, t'as une explosion par la fenêtre, et là, elle a peur, et tu vois qu'elle commence à croiser un peu les bras, tu vois, avoir un corps un peu plus recroquevillé, et ils ont gardé, en fait, ce boulot avec Ellie tout du long, où au début, Ellie, bah, la relation avec Joël, elle est assez stricte, on va dire, enfin, ils se font pas nécessairement confiance, et Ellie a aussi tendance à croiser les bras, à se tenir un petit peu plus comme ça, et à mesure que la relation se noue, son corps se libère un petit peu plus, où elle a les bras qui s'ouvrent un petit peu plus, donc il y a vraiment eu tout un boulot qui a vraiment été pensé à ce niveau-là. Et c'est là où la direction d'acteur, c'est quelque chose d'essentiel et qu'on oublie de mentionner. Mais Neil Druckmann, et je comprends pourquoi il prend autant de place chez Naughty Dog, c'est parce que être capable de créer des jeux vidéo et en plus de diriger des acteurs, c'est quand même deux métiers complètement différents. Et on le verra dans d'autres jeux que je viens de refiler à notre ami Hugo. Il y en a qui ne savent absolument pas le faire. Et lui, par contre, il y arrive très bien. C'est-à-dire qu'il a vraiment réussi à donner à ses acteurs, le personnage qui incarnait Joël, ou en tout cas qui jouait le personnage, de leur faire ressentir les émotions sans non plus les surjouer, toujours de trouver quelque chose d'assez juste, alors que pourtant on était dans des jeux vidéo, et il faut bien se rendre compte que tout le travail derrière de mise en scène et de réalisation, il est incroyable. Moi je serais ravi de le voir passer derrière une caméra, parce que je pense qu'il pourrait nous faire des choses complètement folles, ce type-là. Mais et encore, tu vois, moi, souvent on fait le reproche, on dit, ouais, Naughty Dog, ils font pas des vrais jeux vidéo, tu vois, c'est-à-dire au sens où tu vas l'entendre chez des jeux, chez Nintendo, ou même des jeux comme Arkane, où c'est très systémique, où c'est vraiment le gameplay à fond, mais en fait, chez Naughty Dog, c'est des pur game designer, mais pour ce qu'ils ont envie de faire, c'est-à-dire pour raconter leur histoire, pour faire des jeux un petit peu cinématographiques, oui, mais en fait, quand tu te penches un peu sur tout ce qu'ils font, ils utilisent vraiment des outils de pur game design. Le level design, là, vous savez, la couleur jaune là, qui est associée maintenant à The Last of Us, qui te rattache à tous les éléments avec lesquels tu vas interagir. Mais ça, c'est un petit outil tout bête, mais c'est eux qui ont vraiment standardisé ça. Et avant ça, personne ne le faisait aussi violemment. Exactement. C'est-à-dire que The Witcher 3, c'est le blanc. Rise of the Tomb Raider, ils l'ont pris et finalement, ils ont décidé de l'effacer. C'était genre une des options incroyables de Shadow of the Tomb Raider. Tu pouvais effacer le blanc. Mais c'était devenu l'idée qu'il y ait une couleur qui soit tout le temps associée à l'avancement. C'est The Last of Us qui l'a fait. Et eux, ils le font, mais avec une justesse. Tu pourrais regarder tous les plans. Ouais, c'est incroyable avec quelle violence chaque élément qui te permet de savoir où tu dois aller est jaune, mais tu t'en rends même pas compte. Oui, il y a ça, mais il y a aussi tous les points de fuite, en fait, dans le level design, vraiment toutes les perspectives, la manière qu'ils ont de te mettre dans des couloirs, puis d'ouvrir, puis de refermer, puis de te faire aller à gauche parce que sur ta droite il se passe un peu des trucs, il y a des trucs qui bloquent, le mouvement, la lumière, ils utilisaient beaucoup dans le jeu vidéo, on utilise beaucoup les rayons de lumière pour orienter le regard du joueur, et ça Naughty Dog en fait, mais c'est les maîtres en fait, et ça c'est pas du game design qui te pète à la gueule, c'est pas genre ouah trop bien cette feature de gameplay, mais c'est quelque chose qui participe à l'expérience de jeu et qui la rend aussi fluide, et pour moi bah en fait, quand tu prends, moi je dis toujours, moi ce qui m'intéresse c'est quand des gens essaient de faire quelque chose de cohérent, qui a une vraie direction et qui veulent faire quelque chose, et en fait bah, Naughty Dog ils mettent tout en place, ils ont tous leurs outils à leur disposition, tout l'argent, toute la puissance technique et tout leur savoir-faire, et ils arrivent à faire des expériences qui sont en termes de finition qui sont incroyables, et pour faire un truc vraiment bah, dirigiste certes, mais t'as pas l'impression d'être complètement sur les rails, et pourtant tu l'es. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que justement leur game design en fait il est parfaitement maîtrisé, mais parce que tu ne le sens pas, ouais, et ça c'est ça, quelque chose qui est toujours très difficile, c'est que les meilleurs mécanique de game design, il y avait Jessica Sherl qui avait fait Gaomi sur Twitter, qui avait fait une conférence à la GDC qui était tirée d'un de ses fils Twitter, où elle donnait en fait toutes les fameuses techniques de game design d'illusion, puisque le game design, elle, dans son point de vue, c'est l'illusion de créer des choses et on se rendait pas compte. Tu vois, l'exemple qui me revient en tête à chaque fois, c'est le Coyote Tam, ce qu'elle appelle le temps coyote, c'est par rapport au Bip Bip et le Coyote. Bip Bip et le Coyote, quand il court et qu'il tombait d'une falaise, il y avait toujours un instant avant lequel il tombait de la falaise pour de vrai, tu vois, comme si la gravité marchait pas pendant quelques secondes. Et le Coyote Time en game design, c'est une fraction de seconde ou de frame où tu vas laisser le joueur appuyer sur son bouton pour sauter dans Céleste, alors qu'en fait t'étais déjà en train de tomber. Si le jeu avait une règle de physique vraiment ultra chiadée, tu le ferais pas, mais en le faisant, on crée des mécaniques de jeu qui pour toi sont totalement transparentes, et si on te le dit pas, tu t'en rendras jamais compte, mais sans ça, le jeu ne fonctionnerait pas. Et là où Naughty Dog, ils sont plus forts que beaucoup d'autres studios, c'est que l'intégralité de leurs jeux sont conçus de cette manière-là. C'est vraiment l'image du marionnettiste, mais tu ne vois jamais les ficelles. Alors pourtant, tu ne fais aucun choix dans leur jeu. Tu n'as aucun choix. T'as tout pas est le petit point de contrôlé. T'as rien du tout, jamais, mais par contre, ils vont toujours diriger ton regard vers un point précis et te dire, ah bah c'est là que je vais. Tu sais toujours où il faut aller, tu et sais toujours sur quoi il faut tirer. De tension, où il y a des courses-poursuites, il y en a quelques-unes dans le jeu, jeu. Tu ne te perds jamais. Voilà, exactement. Ouais. Et t'es pas frustré, t'as juste en fait le petit questionnement de dire attends où je vais pour sentir, pour être en empathie avec le personnage qui est un peu en panique, mais tu continues quand même ta route. Et ça, c'était une des grandes réussites de Uncharted, parce que la course poursuite, c'est forcément un moment d'action toujours complexe. Ça, et il y a rien de pire que d'être en train de courir au milieu d'un marché au Népal ou je sais pas où. Désolé, ouais. Et en fait, là, d'un coup, pouf, tu sais qu'il faut tourner à gauche, tu sais qu'il faut tourner à droite, tu sais qu'il faut rentrer dans cette porte en mettant un grand coup d'épaule, et tu ne réfléchis jamais, et tu le fais sans avoir besoin d'y réfléchir. Et ça, il faut pas croire que c'est pas du jeu vidéo. Au contraire, c'est montrer la maîtrise qu'ils ont du jeu vidéo. Parce que réussir à faire ça, honnêtement, il y a très peu de studios au monde qui peuvent se permettre de dire nous aussi, on sait faire ça. À titre d'exemple, j'ai finalement assez peu d'exemples, et God of War, malgré toutes les choses qu'on a pu en dire la dernière fois, n'y arrive pas du tout. À ce niveau-là, il ne va pas aussi loin, il ne va pas autant dans la maîtrise. Et à mon avis, quand on a vu la démo de gameplay de The Last of Us 2, mais moi j'en pouvais plus, j'étais liquéfié devant mon écran tellement c'était ouf en termes de technique, les relations entre les modèles, quand elle utilise les portes pour s'appuyer, etc. Enfin, ça a l'air d'être complètement dinguissime, et j'attends ça de ouf. C'est vrai que même tu vois, 5 ans et demi après, la maîtrise se sent toujours, même si moi, ce que je ressentais quand même, c'est que ça commence à vieillir. C'était que il y a vraiment cette histoire qui est toujours présente et qui est vraiment le cœur du jeu, mais il y a un peu trop de jeux vidéo pour moi. Il y a des choses qui sont quand même un peu qui appartiennent un peu trop au passé, notamment tu parlais quand tu vas chercher au début Robert et tu butes deux mecs, et au début il te sort genre mais comment il fait pour trouver tous ces gars, puis après tu butes trois mecs, après tu butes quatre mecs, ça c'est l'échelle Uncharted, c'est vraiment l'évolution où, les types au d'un moment ils ont un casque, après ils ont des fusils à pompe, puis ils ont des fusils à pompe, puis un casque, et ça donne les ennemis de fin complètement Enfin, il y a une scène où vraiment j'ai un peu pouffé de rire, tu vois, où c'est dans une école, t'as plein de kickers et tout, puis t'arrives dans une salle fin et tu le sens, tu vois. Quand t'as joué à des jeux, tu fais ok, là j'arrive dans une salle plus grande que les autres, c'est un peu fermé, il va se passer un truc, et là il y a gros zombie qui arrive, c'est Clickers, mais qui fait trois fois la taille d'un Clickers, et c'est le boss du niveau, tu vois. Ça m'a un peu fait rire, tu vois, parce que tu l'as vraiment senti en termes de jeux vidéo. Et il y a plein de petits trucs un peu vieillissants, des moments très arcade en fait. T'as un moment, t'as un sniper, en fait, alors la scène est cool quand t'es de l'autre côté du sniper, quand tu te fais tirer dessus, parce qu'il faut contourner un peu tout le quartier et le choper. Mais une fois que t'arrives en haut, tu prends contrôle du sniper avec des balles illimitées et t'es sur des rails en fait. Ah oui, c'est la scène où il y a le char d'assaut qui arrive et tu dois tirer sur le type qui a des cocktails molotov. C'est ça, et avant ça, tu tires sur plein de zombies, tu tires sur des cannibales aussi. Et là, c'est une salle vraiment arcade en fait. Enfin, c'est une scène vraiment arcade. Donc t'as plein de petits éléments un petit peu vieillissants comme ça. Et c'est vrai que le 2, il va arriver plutôt au bon moment, je pense. Et encore, tu dis ça, moi je pense que, tu vois, c'est quand même des remarques qui sont assez perso avec des gens, t'as joué à beaucoup de jeux, tu vois, je pense que malgré tout... Moi ça m'a pas choqué parce qu'en fait... À l'époque, moi c'est vraiment un truc du tout que je l'ai pas retenu, et surtout en fait, même a posteriori, je me dis bah oui, c'est des séquences arcade, mais en fait ça participe indirectement à la construction des personnages, parce que justement t'es dans le côté mécanique de tuer. Tu vois, il tue sans aucun scrupule, t'es là genre wouhou, c'est bon, on est parti, envoyez les balles et c'est parti, on va tous les tuer. Parce que Joël, il est comme ça en fait, il a aucun scrupule et il réfléchit pas, quoi. Lui, la seule chose qui le motive, c'est la vie d'Ellie et le fait qu'elle soit à ses côtés. Et donc tout ce qui n'est pas Ellie n'a aucun intérêt pour lui, n'a aucune conséquence, il faut le tuer. Mais bon, dans le gameplay, j'ai sorti, ah là, on va mettre une scène un petit peu cool. Il y a quand même une structure, mais il faut pas oublier qu'on est dans un jeu très grand public. Ouais, c'est ça, cousu de fil blanc. De fil jaune. mais c'est vrai, quand tu prenais God of War, moi je l'avais vraiment ressenti de ouf dans God of War, mais parce que je l'ai fait en 2018 et que j'ai pu avoir tous ces trucs là. Et encore une fois, pour moi ça témoigne de l'influence de The Last of Us, c'est-à-dire cette maîtrise là, ce découpage en fait rythmique entre gameplay, séquences narratives, etc. C'est vraiment eux qui ont mis un peu la matrice finalement à respecter aujourd'hui. Et c'est pour ça, on est curieux de voir comment ça va se faire sur The Last of Us 2. Là, ce qu'ils ont montré, c'était quand même un passage gameplay infiltration. Ce qui m'avait agréablement surpris, c'est le DLC de The Last of Us. On n'en a pas parlé. Mais c'est en relation avec le 2, parce que je pense qu'ils peuvent vraiment s'inspirer du DLC pour faire un mix entre The Last of Us et le DLC. Dans le DLC, t'as vraiment des moments où ils reprennent des mécaniques que tu utilisais dans un contexte d'action infiltration pour raconter quelque chose. T'as un moment donc le DLC raconte l'histoire d'Ellie et de sa copine, donc au début sa pote Riley, c'est ça, ouais. Et en fait, il y a une petite histoire d'amour entre les deux, donc personne qui était peut-être un petit peu étonné qu'il y ait scène que Ellie embrasse une fille dans le trailer de The Last of Us 2, bah en fait dans le DLC tu sais oui, t'apprends qu'elle est gay, c'est ça, ouais. Et en fait il y a un moment où elles sont dans un centre commercial désaffecté et elles jouent un jeu où tu veux juste jeter des briques sur une voiture et c'est la première qui pète toutes les fenêtres de sa voiture qui gagne, donc c'est un moment un peu complice, mais du coup tu reprends cette mécanique de ramasser des briques, les jeter et viser, et plus tard il y a tout un truc avec des pistolets à eau que Ellie voulait récupérer mais qu'elle a pas pu, et en fait Riley les a volés et joue, donc scénaristiquement en plus c'est assez cool, tu vois, ça renforce le côté de Riley qui est vraiment sympa, et il y a toute une scène où en fait elles se battent avec les pistolets à eau, et t'as Riley qui agit un peu qui rappelle le boss cannibale qui pouvait se baisser un petit peu, sprinter, c'est un peu une nouvelle mécanique, et là elle le fait, et donc tu tires en fait l'eau sur elle, tu repères avec l'écholocation un petit peu où elle essaie de t'esquiver et tout, mais là c'est dans un contexte qui est complètement non violent en fait, qui est vraiment dans un truc narratif, et t'as plein d'autres scènes très cool, t'as une scène de photomaton, elles se prennent en photo, il y a une scène où Ellie ferme les yeux devant une borne d'arcade pendant que Riley lui explique les contrôles qu'elle fait en se battant, ouais c'est ça, et tu rentres des inputs en fait de jeux de combat, fait des shoryuken, ouais. Et à côté de ça t'as l'autre histoire, c'est pendant que Joël est en PLS, il y a un moment il est dans un centre commercial, là t'as l'histoire beaucoup plus classique en fait où tu fais ce que t'as déjà fait en jeu. Petit truc à noter que j'avais trouvé bien, c'est que là t'as vraiment des scènes où t'as des cannibales et des clickers, et tu peux jouer un petit peu avec, tu peux jeter une brique à côté des cannibales pour que les clickers attaquent les cannibales. Ça te permet de découvrir un peu plus le moment où Ellie elle est seule et elle s'occupe, parce que tu dois aller, c'est tout le moment où tu dois chercher une trousse de soins, c'est je ça, crois. Ouais. Et elle le trouve finalement dans une espèce d'hélico perché en haut d'un... Qui est le passage au final le moins intéressant des deux, clairement c'est l'histoire avec Riley qui est la plus intéressante, mais au final tout ça, on voit que avec certaines mécaniques de gameplay qui ont déjà été faites en jeu, tu peux raconter quelque chose, tu peux renforcer une relation, et comme je disais, c'est que The Last of Us il est peut-être un peu trop jeu vidéo, et il peut vraiment absorber certaines choses du DLC, c'est-à-dire au lieu de faire certaines scènes, comme je disais tu butes 70 mecs dans la scène où t'es en ville, au final on butait peut-être juste 20, juste 30, je ne sais pas, ouais, mais faire des scènes un petit peu plus... C'est intéressant ce que tu racontes, parce que tu vois, dans Uncharted 4, et tu sens d'ailleurs que Neil Druckmann et Bruce sont passés dessus, parce qu'il y a vraiment des moments comme ça. Il y a un moment qui est assez marquant où en fait Nathan, il est dans son espèce de grenier, et en fait, il se rappelle ses souvenirs, et il prend un espèce de pistolet à fléchette, et il va tirer. Attends, on avait dit, on spoilait pas trop les autres jeux. Bon, ça va, c'est le premier. Bon, c'est le début. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça, tu vois, par rapport à Uncharted 4, dans le jeu, parce que ça, c'était un DLC, et dans le jeu principal, c'est des trucs qui n'ont pas été si bien reçus que ça, tu vois, finalement. Il y a des gens qui ont dit, ouais, il y a des moments où on fait pas ça, où il y a pas d'action, où on parle beaucoup. Oui, mais c'est normal. Et justement, Uncharted, c'est vraiment mais justement, c'est autre chose. Vois, Uncharted 4, justement, ils ont pris des moments de pause. Tu sens vraiment l'influence de The Last of Us sur Uncharted 4. Et moi c'est mon préféré de la série au final, parce que je trouve qu'il est extrêmement bien. Il fluctue beaucoup. Ah, le 4 fait. Ouais, le 4. Ah, c'est rigolo. Je suis pas du tout d'accord. Mais bref, et c'est vrai qu'il y a des choses qui n'ont pas forcément été bien reçues dans le côté rythmique, qui finalement renvoie beaucoup à The Last of Us. Par contre, il y a un petit truc aussi à noter, c'est que là, c'est un DLC, ça dure que 3 heures. Ouais, donc c'est vrai que des passages amusants comme ça, finalement, quand t'as un jeu à 12 heures de remplir, t'es obligé de faire un petit On le voit bien, la séquence de gameplay où elle est toute seule, Ellie, dans The Last of Us 2, tu sens qu'elle est pas là pour rigoler. Hein. Je veux dire, en plus, dans les 2-3 indices qui te glissent, tu sens bien qu'elle est devenue ultra connue, parce que tout le monde l'appelle le loup, tu vois. Donc, tu sens bien que, à mon avis, elle... Elle va tuer des gens et elle va le faire avec classe. En fait, je pense que t'as deux choix possibles. Comme on disait, en fait, c'est que The Last of Us avait pas mal épuré le gameplay pour servir l'histoire. Et là, donc Neil Druckmann disait que le 2 serait plus à propos de haine. Le premier était à propos d'amour et le deuxième sera à propos de haine. Ouais. Et donc, peut-être que ce qu'il peut faire, c'est justement s'il y a beaucoup plus de violence, ils vont peut-être complexifier le gameplay pour en faire un jeu peut-être un peu plus gameplay. Je suis pas sûr. Parce qu'à mon avis, on reste sur du grand public. Donc il faut quand même. J'espère pas trop non plus, mais on verra bien. Ou l'autre solution, c'est là plutôt ce que moi j'espérais, ou en tout cas ce que j'espérais après avoir fait The Last of Us et le DLC, c'est de faire un truc plus proche du premier, mais avec un peu moins d'aspect très jeu vidéo, moins de boss de fin, moins de d'enchaîne du level design. En fait, rendre ces passages-là, aller encore un peu plus loin dans le côté illusionniste et te faire oublier que c'est des passages de jeu vidéo. Enlever tous les passages arcade, quoi. Vraiment, c'est quand même des passages jeu vidéo. Et les remplacer par des scènes juste parfois de qui sont justifiées par l'histoire. Ou un peu, tu vois, du jeu, mais les mécaniques qui vont être utilisées dans un autre contexte en fait, puisque maintenant en plus on est dans une ère où, comme on en parlait tout à l'heure, les indés sont encore plus connus, il y a beaucoup plus de jeux narratifs, des walking simulators, c'est des choses qui sont plus intégrées aujourd'hui, donc ça peut être vraiment plus cool d'avoir plus de gameplay ou de scènes un petit peu plus comme ça. De toute façon, il va falloir surveiller, hein, parce que là du coup ils ont mis un nouveau standard quand ils sont sortis avec le premier The Last of Us, le 2 est attendu un peu comme le Messie, parce que forcément beaucoup de gens s'imaginent que ça va refaire la même chose, ça va être très compliqué, mais moi en tout cas je suis le premier à vouloir me jeter sur le jeu dès et qui sortira pour voir justement à quoi ça va ressembler. Ouais, ça doit être la dernière grosse cartouche de Sony, je pense. C'est la dernière grosse cartouche de Sony. Et probablement ce sera la première de la PlayStation 5 aussi, très oui, probablement. Oui, le remaster. Ouais, exactement. Parce qu'il y a ouais, les petits exclus qui restent, bon, t'as Days Gone, bon là, on va ça, c'est retard. Le jeu qui arrive avec 10 ans de retard. Parce que tu vois, lui, tu vois, on en a marre des zombies, quoi. Ça y est, on en a marre, on n'en veut plus, quoi. Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Bon bah je crois qu'on a à peu près fait le tour sur The Last of Us, c'est fou parce que c'est un jeu, on peut en parler. Ouais ouais, on a éclaté la durée. Il y a des choses dans notre culture qu'on a complètement passé sous silence parce que je pense qu'on pouvait tout simplement pas forcément en parler, ça prend trop de temps. Voilà, on est resté, on a bien dépassé, on est déjà à 1h22. Donc merci si vous nous avez suivi, écouté jusqu'ici, merci beaucoup. Merci messieurs pour vos retours sur ce jeu là et puis on se retrouve dans 2 semaines pour un jeu un peu plus petit cette fois-ci à moindre échelle et puis à bientôt. Salut à tous. Ciao.